Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Michel Auvray. Alors Michel Auvray, il est venu d'après, je ne sais plus qui l'a dit, 98. Solo. Dans un ancien local, et ça devait être pour nous parler de celui-là. Mais je suis aussi venu en 83. Pour présenter celui-là. Voilà. Donc deux livres. Donc Michel a été, a été objecteur de conscience et il s'est intéressé à l'histoire de tous les refus de l'armée. Donc là, objecteur, insoumis, déserteur. Et après, l'histoire du service militaire qui a été aboli en quelle année? 80... Suspendu officiellement, je sais pas. 97. Oui, parce que ça va peut-être revenir. Ça a traîné jusqu'en 2009. Oui. Donc, et on remet de l'USNU. Voilà. Ouais. Donc deux livres qui font partie de la bibliothèque. Ça, c'est nostalgie. Donc il a cofondé le journal Objection. Il a animé divers revues et écrit des articles dans Agora. Une belle revue anarchiste de Toulouse. Je ne dis pas que les autres ne sont pas belles, mais Le Monde Libertaire. On voulait faire un magazine. Voilà. Union Pacifiste, Gavroche. Journaliste, correcteur, il fallait bien gagner sa croûte, rédacteur en chef et historien spécialisé des relations armées-sociétés, voilà, avec les deux bouquins dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, vous êtes venu, alors soit vous connaissez le sujet, soit vous allez découvrir tout sur cette histoire qui est assez impressionnante, un peu oubliée, les citoyens du monde, donc je ne vais pas dire ce que c'est que les citoyens du monde, puisqu'il va nous en parler, pendant 1h15 à peu près, et après vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. À toi la parole. Mais justement, 1h15, c'est qu'on en a discuté. J'étais il n'y a pas longtemps aussi à Limoges, à Burger, que je connais depuis 40 ans. Et donc, comme cela, ouais, ça va faire 40 ans aussi. Hein. Bon, soit. J'avais demandé à René Burger, je lui dis, moi ça fait une dizaine d'années, j'aime bien faire PowerPoint, j'ai de l'image, même si souvent noir et blanc. Oh, il dit, je préférerais quelque chose de classique à l'ancienne, comme ça. Bon, je dis d'accord. Bon. Donc, petit comité, on était, en comptant avec Geneviève, on était 10, hein, ce qui était vraiment un petit comité. Et j'installe trois notes sur la table, je commence à regarder les notes, puis je ne regarde plus, j'avais sorti la montre, et au bout de 2h15, personne ne m'avait interrompu. Je réalisais que l'heure allait tourner, donc pour le débat, on allait débattre, mais c'était plus court. Ça n'a pas effrayé les gens, parce qu'en même temps, j'ai signé pas mal de bouquets. Mais c'est bon, je me suis dit, là, faisons short. Je sais faire un short. Mais c'est vrai qu'il y a la passion sur... bon, j'ai passé 5 ans à travailler là-dessus, quand même. Et donc, c'est un sujet que je connais quelque peu. Dans le lot, il y a une grande mémoire. Bon, rien qu'à Cahors, j'ai fait 5 conférences. Donc, une à la mairie, on était 150. Il y a une tradition, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est vrai que j'aime bien être debout avec le pointeur. L'installation qui a été faite tout à l'heure, ça va, l'écran est petit, mais ça ira. Ça durera 1h15, j'espère. Alors, l'idée en action, la différence effectivement de la couverture de mon bouquin, c'est que ça voulait être le titre originel que je voulais écrire, Citoyen du Monde, histoire de l'idée en action. Parce que ce qui m'a intéressé, c'était l'émergence, l'apogée du mouvement. Ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est moins prégnant, c'est même souvent invisible, quoi, hélas. Donc, parler du mouvement, de comment ça avait émergé, comment ça... Il y a eu effectivement une attention, une énergie, mais qui n'a pas duré longtemps. On va voir, c'est une histoire de 2-3 ans. Mais qui s'est poursuivi après, entendons-nous. Hein, les 66 et les nouvelles. J'ai parlé tout à l'heure avec Philippe sur le Gard, parce que le Lot est un gros département. Le Gard, ou 186 communes du département du Gard, au début des années 50, se sont voulues mondialiser. On verra tout à l'heure que la mondialisation, ce n'est pas du tout celle qu'on a actuellement. Ce n'est pas la guerre de tous contre tous, la mondialisation, l'uniformisation culturelle. Non. Ce sont les mondialistes qui ont créé ce terme de mondialisation, mondialité, de mondialisation, dans les années 48-50. Et dans le Gard, mais c'était des époux voltairiens, qui étaient des libertaires, qui avaient impulsé ça, avec des protestants. Parce que les protestants dans le Gard, ça compte. Voilà. Donc, une épopée, moi c'est ce que j'appelle une épopée. C'est Albert Camus, justement, qui écrira à son ancien instituteur, qu'en fait cette histoire le passionnait aussi parce qu'il était en train de relire Don Quichotte, et qu'il y avait une dynamique là un peu folle, se battre contre les moulins, vous verrez, d'Avis, puisqu'il est question de guerre et d'Avis, ça a été un titre de la presse, hein, que j'ai repris dans un titre de chapitre d'ailleurs, d'Avis contre Goliath. Donc, une époque, bon, on ne présente plus Einstein, hein, Camus. Alors, de l'action, alors bon, oui, je sais, Geneviève, m'a fait semblant, mon épouse ici présente, hein, spécialiste de l'exergue espagnol, m'a dit, mais oui, tu as trop étiré les photos, c'est vrai, j'aurais dû en mettre que deux, pas trois, mais de l'action, là, meeting, Sarrazac, Gary Davis, là, c'est place de l'Opéra, oui. Gary Davis qui, à un moment, jette des fracs en l'air, ce qui était strictement interdit, non pas de jeter les fracs, mais de les avoir au sol. On pouvait distribuer les tracts de même, mais c'est toujours valable. Hein. On n'a pas le droit, par contre, de les jeter sur la voie publique. Hein. Il fait y avoir une amende. De l'action, alors des lieux emblématiques. Hein. Paris, mais ça, c'est une conférence de presse avec l'histoire de mondialisation des communes. Ça, c'est Toulouse, hein, avec un logo qui est le logo des citoyens du monde depuis lors. On verra l'explication. Et là, Gary Davis Gary Davis qui, à droite, là c'est la prison du Cherche Midi, c'est un autre épisode, c'est que moi j'ai connu Gary Davis, cette histoire-là, parce que je consacrais une page et demie, un épisode où, à un moment de sa vie, là, septembre 1949, l'octobre, Gary Davis défend un objecteur de conscience, et donc c'est vrai que dans mon histoire des réfractaires, c'est là où j'avais découvert Gary Davis. Alors, des lieux emblématiques, disais-je, là, voilà le Lot. Le Lot, c'est Saint-Cyr-la-Copie. Saint-Cyr-la-Copie, on va en parler avec André Monton. Une histoire de borne, vous n'avez pas fini de la voir. C'est la route mondiale numéro 1, ou route sans frontières. On est dans les symboles, on va voir comment. Alors, à l'origine, en fait, très bref, c'est ce site, séchoir à tabac. Le Lot était un gros producteur de tabac. Il n'y a plus rien aujourd'hui, pratiquement plus. Mais séchoir à tabac, ça c'est une piscine, oui. Mais séchoir à tabac, c'est une sociologue américaine qui venait passer tous ses étés dans le Lot. Et qui, chez elle, c'est vraiment de l'autre côté de sa maison, avec sa piscine et son séchoir à tabac, organisait des conférences tous les lundis soirs sur des thèmes très divers. Alors, quand on était 20, quand on était 25, voilà, c'était plein, c'était petit, mais c'était sympa. Et on a connu ça par le fils de Geneviève Guillaume, qui est journaliste le matin et qui fait des films documentaires l'après-midi. Et Guillaume est venu présenter plusieurs films. Et puis Geneviève a donné une conférence, et puis j'ai donné une conférence, voilà les conférences au bord de la piscine. Bon, ça c'est le lieu qui était Latitude, ça s'appelle. Et depuis lors, Barbara, vous le dit souvent l'association, elle nous a laissé les clés, si je puis dire. C'est-à-dire que le jour, Assemblée Générale, pour convoquer dissolution de l'association, on a dit avec Geneviève, on reprend. Il y avait 70 euros en caisse. Et depuis lors, ça fait 6 ans maintenant, comporte cette association. Il y a d'autres gens qui nous ont rejoints pour essayer de faire vivre un village au bord du Lot. Il n'y a plus rien. Il y avait la poste, la gare, deux bars, un restaurant, un hôtel. Il n'y a plus rien. Le seul qui monnaie ses services, c'est l'ostéopathe parce que la population est âgée. Mais il n'y a plus rien. Et c'est vrai qu'on essaie de faire vivre ce village au bord du Lot. Et l'été, il peut y avoir du monde. Et donc, c'est en 2013, on arrivait juste à Geneviève après la retraite, on a dit, on a hésité, où est-ce qu'on se pose, on avait assez de faire l'aller-retour entre la campagne dans le Lot, maison de famille, et la région parisienne où on avait travaillé. On a dit, on se pose dans le Lot. Et j'avais donné en 2013 une conférence sur un sujet que je connais quelque peu, qui est les objecteurs, surtout les insoumis et les déserteurs. En Quercy, alors dans le Lot, grande tradition, alors des objecteurs, c'était essentiellement dans les villes, et puis d'une manière assez moderne, en fait depuis les années 30, il n'y en a pas eu beaucoup dans le Lot. Par contre, des jeunes insoumis ou déserteurs qui ne voulaient pas faire le service militaire et qui s'enfuyaient, sous la Révolution, pendant l'Empire, c'est énorme. C'est-à-dire, comme les Hautes-Pyrénées, comme le Cantal, il y a des contingents où il y avait 60-70% de jeunes qui ne partaient pas, qui étaient poursuivis par les gendarmes, la population qui les soutenait. Enfin, ça a été une grande résistance. Hein. La nationalisation de la France ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu le service militaire, la presse, le chemin de fer et l'éducation laïque, gratuite, obligatoire, ferrée, j'en passe. Ça. Donc, je termine ma conférence sur la réfractaire et Barbara me dit, je la termine par cette formule du Havre Breton, livre d'or des années de Saint-Cyr en 1921, depuis lors j'ai cessé de me désirer à l'avenir, en Havre Breton. Je dis, voilà, on est bien dans le Lot, on s'est obligé, j'ai cessé de me désirer à l'avenir. Elle me dit, pourquoi tu ne ferais pas quelque chose sur André Breton, la route sans frontières? Vous ne connaissez pas, elle me dit Gary Davis. Ah, peut-être, oui. Bon, alors, peut-être l'année prochaine. En fait, je ne l'ai pas faite en 2014, j'ai passé à travailler en 2015. Et 2015, j'ai dépouillé ce qu'il y avait au local, quoi, les archives départementales, parce qu'il y avait une grande mémoire dans le Lot, les archives municipales, puis j'étais à Figeac, puis premier été, j'ai donné une conférence, puis j'ai commencé par en donner trois en un mois, puis l'année suivante, j'en ai donné, je ne sais pas, 7-8 d'autres, société savante, auberge de jeunesse, lycée, mais bon. Après, j'en ai marre de me répéter un peu, et puis je me suis mis à faire un bouquin. Ça m'a obligé, alors que j'avais des sources locales, ça m'a obligé à rebouger, aller dans le Gard, aller surtout à Paris, quoi. J'avais plus envie de retourner à Paris, mais enfin, pour consulter la presse, pour avoir des archives, il fallait aller à la BNF. Il fallait aller aussi, une source que j'avais jamais exploitée, à la préfecture de police de Paris. Les sources. Autant j'ai pu travailler sur les archives des RG au local, que ce soit à Cahors, que ce soit à Nîmes, autant c'était pas intéressant aussi de se nourrir de... Bon, il y a beaucoup d'erreurs dans les rapports de police, hein. Mais il y a quelquefois des choses qui ne sont pas intéressantes. J'étais encore là il y a 15 jours, alors pour l'autre sujet, obsédé par les histoires de la frontière, et j'étais agréablement surpris, je n'ai pas eu le temps de me faire suivre, un vieux copain pacifiste hein, qui était très actif autour de l'objection dans les années 68, 69, 70, Maurice Monté pour le citer, je suis tombé sur des pages entières de rapports d'anciens généraux signalant toutes les fois où il avait été arrêté pour collage d'affiches, pour distribution de tracts pendant le défilé militaire, pour bon, c'est pas intéressant des fois, même si c'est bon et d'erreur, hein. C'est une source, il faut la croiser avec d'autres. Donc j'en ai fait un bouquin, et il m'a fallu le temps, et pour ne rien vous cacher, j'ai 5600 pages de notes enregistrées dans l'ordinateur. Donc voilà, le bouquin en plus il était trop gros, il a fallu le réduire. Bon, mais ça, c'est passionnant. Ouais. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Souverain citoyen du monde, hein, Gary Davis, on va le voir, se veut le premier citoyen du monde. Bon, en fait, les histoires sont un peu plus compliquées. Socrate, hein, Erasme, Anatole de France, Montesquieu, Victor Hugo, cette belle formule qui est, ça c'est pour l'enregistrement, avoir pour patrie le monde et pour nation l'humanité. Je trouve que la formule du mot sonne bien. 1945, 6 août, Hiroshima, là on entre dans le vif du sujet, et la première borne temporelle, c'est pour moi l'histoire des citoyens du monde moderne, elle commence vraiment avec Hiroshima. Pourquoi? Parce que alors que la presse de l'époque, et notamment Le Monde, on parlait tout à l'heure, Le Monde qui titre sur la prouesse technique, c'est une grande invention. Autant pour Camus, qui à l'époque est rédacteur en chef, Journal Combat, Combat issu du mouvement Combat de la Résistance, Camus qui écrit La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. C'est vrai, il y a d'autres formules pour dire. Il suffit maintenant d'une bombe d'une taille d'un ballon de football, qui est passionné par le foot. C'est pas rond une bombe, mais surtout pas les bombes atomiques. Hein. C'est un peu plus long comme un ballon de rugby. Mais c'est vrai qu'en un instant, à Hiroshima, et sans parler des morts par la suite, il y a effectivement des dizaines de milliers de victimes par un seul bombardement. Et puis cette menace, c'est que à partir de 1947, guerre froide, Est-Ouest. Miroir dur. C'est-à-dire, on est d'un côté Moscou, d'autre côté Washington. La menace nucléaire est telle que pour Einstein, mais ce n'est pas le seul. Alors Einstein qui a cette formule, One World or None, qu'on peut traduire par le monde sera un ou ne sera pas, ou ce que je préfère, un monde uni ou le néant. C'est-à-dire, il y a un danger réellement. Pour, jusqu'en 1949, ce ne sont que les Américains qui possèdent la bombe atomique. À partir d'août 1949, ce sont aussi les Soviétiques. En 1952, ce sera la bombe H, autrement plus puissante. En 1953, ce seront les Soviétiques qui auront la bombe H. Il y a une course à l'atome, il y a un danger, et c'est vrai qu'il y a menace du fait que s'il y a une troisième guerre mondiale, à ce moment-là, tout sort de problème. Alors, Gary Davis, qui se veut citoyen du monde numéro 1, c'est comme ça que la presse va le traiter, pour aller vite. Gary Davis, comédien à Broadway, famille ultra riche, le père chef d'orchestre, la mère pianiste, ses domestiques qui s'occupent des enfants, la voiture pour sortir, elle est avec le chauffeur et c'est une heureuse. Bon. Le fait est que il a été appelé à faire la guerre, qu'il a été pilote ou plutôt copilote parce que ses avions ont une dizaine de personnes à bord. Pour bombarder les populations civiles, ce n'était pas des bavures, ce n'était pas une erreur. Hein. C'est que ça a été la stratégie essentiellement américaine mais aussi après britannique. Après avoir hésité de réellement bombarder les populations civiles, les Américains le faisaient de jour très haut et les Anglais le faisaient plus bas de nuit. Mais réellement bombarder les populations civiles pour qu'elles se désolidarisent du pouvoir. C'était le chancelier Hitler, ouais. Mais ça n'a pas marché. Les populations civiles, par contre, il y a eu des millions de morts sous les bombes. Et Gary Davis, qui est traumatisé par ce souvenir, qui renonce à sa nationalité américaine, traumatisme aussi, son frère est mort dans la guerre, son frère était dans la marine américaine, la Navy, bon, il est mort, traumatisé par ce qu'il a fait, et il veut, à l'origine, copier ce qu'a fait un soldat américain l'année précédente, c'est renoncer à sa nationalité, renoncer à son passeport, pour, d'une manière humaniste, essayer d'aller reconstruire ce qu'il a contribué à détruire. Donc il veut aller en Allemagne, et comme il est croyant, il veut reconstruire des églises. Mais il y a cette dynamique humaniste et de culpabilité. Il arrive au Havre, il se présente, il veut rendre son passeport, l'ambassade, le consulat, il vous plaisantez, revenez la semaine prochaine, réfléchissez, il revient la semaine suivante, et c'est le 25 mai qu'il, effectivement, la légende veut que quand on lit l'histoire du surréalisme, par exemple, et moi, mon premier bouquin, j'avais recopié maintenant ce que j'ai trouvé au moins une quinzaine d'historiens qui ont écrit cette bêtise, qu'il avait déchiré son passeport. Alors, c'est beaucoup plus spectaculaire, déchirer son passeport. En fait, il a rendu au consulat, il m'a trouvé effectivement photocopie de l'attestation, comme quoi il avait bien rendu ses papiers. Bon, il a rendu ses papiers, il n'est plus citoyen américain. Et à partir de volontaire, il va attirer l'attention parce qu'à l'époque, 3 ans après la fin de la guerre, des apatrides en Europe, il y a des millions, des gens qui ont quitter leur pays, et puis les frontières ont été bouleversées, donc qui sont réfugiés, mais qui n'ont plus de pays. Et là, le fait que ce soit un citoyen de la principale nation, la plus riche, que, en même temps, il soit volontairement dans un statut d'apatride, menacé d'être expulsé à tout moment du territoire français, puisqu'il a pris le papier, il y a une idée de génie en lisant la presse, hein, c'est qu'il voit qu'est annoncée l'ouverture comme territoire international, le palais de Chaillot à Paris, qui doit accueillir la troisième assemblée générale de l'ONU. L'ONU, créée en 1945, qui à l'origine avait une vision universaliste, qui, on va le voir, est beaucoup critiquée parce qu'elle est constituée de représentants d'État et pas de représentants des peuples, mais l'ONU qui tient sa troisième assemblée générale à Paris, le siège à Manhattan est en construction. Bon. Et il va s'installer sur ce territoire prêté à l'ONU, donc sans territoire strict d'extraterritorialité, en demandant l'asile politique, l'asile à l'ONU. En vain. L'ONU le fait arrêter, puis on le relâche et puis il revient. Bon. Le fait est qu'il va attirer l'attention de la presse de suite, parce que qui dit ONU dit des centaines de journalistes qui sont venus là et qui, eh bien, il fait la une de la presse, il va la faire plus encore le 19 novembre 1948, quand il intervient par surprise en pleine séance de l'Assemblée générale, rapidement interrompu, Sarrazac le reprend en français, avec cette formule: nous le peuple, nous voulons la paix que seul le gouvernement mondial peut donner. Alors, gouvernement mondial pour nous, ça sonne bizarrement, on verra que les libertaires lui le reprochent, mais ils ne le prennent pas forcément au sérieux là-dessus. Gouvernement mondial, c'est une formule de fédéralistes mondiaux, c'est par exemple Einstein qui est sur cette position-là, Camus, qui se veut fédéraliste européen et fédéraliste mondial, et lui sur une posture de parlement mondial. Bon, les Français, on a suffisamment connu de coups d'État et de généraux à la tête de Maréchaux, à la tête du pays, pour savoir qu'un seul gouvernement, c'est plus dangereux que plusieurs peut-être, donc, et que le parlement peut bouger. Bon, donc, voilà, Chaillot, Gary Davis, avec sa machine à écrire, qui est installée, là. Alors, mise en scène, hein, c'est un ancien comédien, donc il prend la posture. Que j'ai pris une photo. Ah, cette photo de Chaillot est impressionnante. Hein. Et là, eh bien, il a son blouson d'aviateur américain, son petit sac à dos, la machine à écrire, on est toujours au Trocadéro, et effectivement, il fait vraiment la une de la presse. Hein. Enfin, ce soir, pas l'humain. L'humanité, mais quelque temps à en parler. Après, on verra qu'il traite de Ferdinand Lope. Lope, c'était un amuseur des années 40-50. Hein. C'est celui qui voulait supprimer le wagon de queue dans le métro. Par exemple, oui, il avait des idées comme ça. Il voulait transporter Paris à la campagne, parce que Paris était... Bon, il avait des idées. Et il se présentait aux élections. Il n'avait été jamais élu, mais c'était quand même plus comique que les tristes si encore aujourd'hui. Bon, Anything, Gary Davis, Robert Sarrazac. Donc le 3 décembre 1948, salle plénière, le 9 décembre, on est au Veldiv, bon, des foules entières. 2700 personnes à salle plénière, c'est plein. 2000 personnes n'ont pas pu rentrer des haut-parleurs à l'extérieur, c'est vraiment mouvement de masse. 17 000 à 20 000. Au Veldiv, selon les sources. Alors, le Veldiv de sinistre mémoire, mais en 1948, on ne sait pas, ou on ne veut pas savoir, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on ne sait pas encore que le Veldiv a été ce lieu de rassemblement en juillet 1942, après les rafles dans la région parisienne. Le rassemblement de jeunes qualifiés de juifs. Avant Drancy et Oswiecim, dans Auschwitz. Donc, vraiment, des foules, il rassemble des foules parce qu'il y a un enthousiasme. Un conseil de solidarité se met autour de lui. 25 personnes, dont André Breton, on en a parlé, Albert Camus qui est au fait de sa gloire. 1947, c'est là où il a passé la main il était rédacteur en chef du journal Combat, il a passé la main à Claude Bourdet. Claude Bourdet, ça vous dit peut-être rien, quoique... Exactement. Ce qui était à l'époque, ça a été un hebdo, hein. C'était autre chose qu'un catalogue publicitaire. Hein. Claude Bourdet, c'était le numéro 2 du mouvement Combat, Henri Freinet. Quand Freinet est parti à Londres puis à Alger, c'est Claude Bourdet qui l'a remplacé à la tête du mouvement Combat. Donc, grand résistant. Claude Bourdet, qui crée l'Observateur à l'époque, ça après ça devient l'Observateur. Claude Bourdet, qui en même temps, on le retrouvera parce que le PSU, oui, dans les années 70, et puis l'MDPL. Alors, qui s'appelait d'abord le MCA, Mouvement contre l'armement atomique. Le MDPL, Mouvement pour le désarmement de la paix et de la liberté. C'était le PSU tout. Tout à fait. C'était le PSU qui l'a porté. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir fait des meetings. Et j'ai le souvenir à Toulouse d'avoir fait un meeting avec Claude Bourdet. On était tous les deux à la tribune, plus je ne sais pas qui c'est qui présidait, pour des femmes et des soldats en 1975. Quand la Cour de sûreté de l'État a été employée contre les soldats pour anti-militarisme, c'est une histoire, hein, une manière de mouiller la CDT, comme vous. Moi, j'étais auditeur et insoumis. Je me retrouvais en train de défendre des soldats, ce qui n'était pas mon truc, mais en même temps, bon, les soldats qui étaient en tôle méritaient d'en sortir. Et donc, avec Claude Bourdet, on s'était fait un meeting. Je ne sais plus qui c'est qu'il y avait, mais j'ai un souvenir de ce meeting. Il y avait déjà un certain âge à l'époque. Hein. Là, on est en 1948. Emmanuel Mounier, Mounier, c'est la revue Esprit, personnalisme. Madeleine Passe, comme il y a Marcel Capi aussi. C'est le pacifisme depuis la guerre de 14, la fin de la guerre de 14, les années 30. L'abbé Pierre, c'est le même. Hein. Alors, il n'est pas trop célèbre à l'époque. Il n'a pas encore prononcé le fameux rappel de février 1954. Hein. On n'est pas loin. Il est... Henri Grouès, il s'appelle. Hein. L'abbé Pierre, c'est son nom de résistant, en fait. Puisqu'il a résisté. Vraiment que non. Il est député à l'époque. Il est député MRP, c'est-à-dire démocrate chrétien. Tout à fait. Et vraiment que non, c'est... Mais c'est c'est lui qui a fait les paroles de « Si tu t'imagines que chante Juliette Gréco », qui cette année-là est vraiment le succès, 47-48, « Si tu t'imagines, c'est vraiment Juliette Gréco, chante ça ». Raymond Queneau, c'est quand même un exercice de style. Hein. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas lu, ça mérite. Hein. Vous ne connaissez pas l'exercice de style. Sur la plateforme d'un autobus, chacun qui décrit la même scène, et d'une manière... Vous ne l'avez pas lu? Allez. C'est tout petit bouquin, en poche, hein, ça se trouve partout. C'est, il décrit, il s'est passé un incident, si ce n'est qu'ils sont, je ne sais pas, 40 ou 50, à décrire la même chose avec des mots différents. Donc il ne s'est pas passé la même chose. C'est l'histoire du témoignage. Quoi. Henri Rosaire, lui, est protestant, c'est un pasteur. Il était au Rennes-Serre à Rosaire. Mais oui, et Henri Rosaire, emprisonné, il a renvoyé ça, il a été mobilisé en 18, donc fin 18, il n'a pas fait la guerre, mais dès 23, l'occupation de là-haut, il renvoie ses papiers militaires et ses décorations, ce qui fait scandale, puisqu'il était comme il est, comme c'était le cas de beaucoup de pasteurs, de curés, j'en passe, même d'enseignants. C'est qu'effectivement, aspirant, et donc il était sous-officier, et Henri Rosaire, en 1939, mobile, alors qu'il a une charge de famille, il a 3 ou 4 ans, il n'avait plus l'âge d'être appelé, volontairement, il y va pour se faire arrêter et refuser. C'est vraiment, et il sera aux côtés de Le Guin après, mais on verra que là, même en 1948, il est effectivement très proche des auditeurs. Vercors, c'est un compagnon de route à l'époque, hein. Le silence de la mer, ça vous dit quelque chose. Mais il y a vraiment des grandes figures, et notamment de la presse, de la résistance non communiste. Alors Combat, Franc-Tireur, Libération un peu moins. Je vous disais, Gavis contre Goliath. Bon, effectivement, il se met en scène, il se fait acclamer. Voilà, et mais il réunit des foules. Camus, voilà, Robert Sarrazac, Gary Davis, même posture, c'est le même jour, Robert Sarrazac, André Breton, Gary Davis. André Breton qui se veut visionnaire. André Breton, comme d'autres, c'est un fils en 40, il est à Marseille d'ailleurs. Il se retrouve aux États-Unis, New York, et il rentre de New York en 1946. Il rentre des États-Unis en 1946, vous en doutez, il est quelque peu à l'écart des cercles intellectuels de l'époque qui sont complètement dominés par il faut avoir fait la résistance, sinon rien. Quoi. Bon, et lui n'a pas été résistant, mais il va trouver avec le rencontre avec Sarrazac. Et le Front humain et citoyen du monde, alors c'est une petite association, il y a un club de réflexion où ils sont 20-25, ça a été créé en avril 1946, quand Gary Davis se veut le premier citoyen du monde. Bon, il y a une association qui s'appelle le Front humain et citoyen du monde, créée en 1946, ouais. Bon, et Breton, en février 48, dans un texte qui s'appelle « La lampe de l'horloge », formule une adhésion sans réserve au Front humain. À tel point que le 30 avril 1948, lors de la première et seule réunion publique de ce Front humain, il se montre visionnaire en inscrivant l'affirmation de la citoyenneté mondiale dans la lignée, dit-il, des grands mouvements audacieux et libérateurs qui ont étonné le monde. Et il ne croit pas si bien dire, hein, parce que 6 mois après, effectivement, la presse du monde entier va être captivée par cet itinéraire. Hein. Gary Davis, Sarrazac, en fait il s'appelle Robert Soulage. Il avait plusieurs noms de résistants, Lagarde, Sarrazac, c'est celui qui gardera. Il est intervenu à l'ONU après lui le 19 novembre. Il a aussi créé un groupe qui s'appelle le Centre de recherche et d'expression mondialiste. Davis est son porte-parole médiatique. Il y a l'un qui pense, qui est stratège, l'autre qui est comédien et qui est mis en scène. Pour situer Soulage et Sarrazac, Cato aussi. Alors, le nom de Gary Davis, c'est pas Cato, je sais plus de quelle mouvance, non pas adventiste, mais enfin, bon, cette protestante états-unienne. Sarrazac, au grand désespoir de son père, c'était le fils du directeur de l'école normale, donc formation d'instituteur à Périgueux. Il se destinait à être instituteur comme son père. Et puis, à son grand désespoir, à l'âge du service militaire, 19 ans, il s'engage. Et il s'engage 9 ans. Hein. Donc, Sarrazac, militaire de carrière, hein. Il s'engage aussi parce qu'il est attiré par la coloniale. Le rêve de la Cochinchine, de la Chine, Teilhard de Chardin, les mystiques. Hein. Il rencontre Teilhard de Chardin en Chine, il participe à la guerre contre le Japon, il rentre en 1942. Henri Freinet, qui avait été son capitaine, sous l'uniforme auparavant, lui propose de rejoindre Henri Freinet, il est dans la résistance des fins 40. Hein. Il met le temps de réfléchir, comme d'autres, oui. Donc il devient résistant en 43, quoi. Hein. Bon, comme beaucoup d'autres. Et si ce n'est que après, dans la résistance, il a un rôle qui est quand même original, c'est qu'il forme les maquis écoles, c'est-à-dire des jeunes résistants, auxquels il apprend non pas tant à manier une mitraillette ou des explosifs, que un certain nombre de valeurs, voilà ce que pourrait être la France, enfin bon. Voilà. Et quand Henri Freinet est ministre en 1944, Henri Freinet est ministre des déportés, rapatriés et prisonniers, il organise le rapatriement des prisonniers d'Allemagne. 1 million de Français qui sont encore en Allemagne, et c'est un propagandiste, il fait faire des tracts, il fait distribuer des tracts à 500 000 exemplaires par les avions britanniques sur les stalags où sont retenus les Français. Bon, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un communicant. Davis, bon, ancien comédien, qui se met en scène, qu'on met en scène. Dans les meetings, c'est toujours. Il y a d'abord des gens moins connus, c'est Ray Davis qui se fait acclamer, voire remporter un triomphe, et c'est toujours Sarrazac qui conclut, il verra mieux quand même, hein, qui a le dernier mot. Et leur coup d'éclat à l'ONU vaut à cette idée vraiment un écho certain. La presse du monde entier en parle, et par sac entier, des lettres parviennent à l'adresse qu'a donné Davis pour être enregistrées comme citoyen du monde. Alors, les premiers courriers qu'il reçoit, c'est Gary Davis, Trocadéro, ou ONU France. Bon, après, il est dans un hôtel, l'hôtel dit, qui s'appelle Hôtel des États-Unis à Paris, où là, des chambres entières sont réquisitionnées pour trier le courrier. Il y a effectivement des jours où arrivent 15 000 lettres. Vraiment, quoi. Il y a... Le fait est, en même temps, ce sera une des causes de l'échec, et ça, c'est quitte à dissiper tout à l'heure, c'est que, en même temps, autant il y a des choses qui sont organisées et pensées, autant il y a des... sur le côté pratique, hein, entre le moment où Gary Davis appelle à se faire enregistrer, à demander une carte citoyenne du monde, c'est en décembre 1948, et le moment où la première carte d'identité des citoyens du monde est distribuée en France, c'est juillet 1949. Il y a 6 mois, et il y en a des conditions. Ouais. C'est-à-dire que 6 mois après, c'est plus la même chose, c'est plus la même période qu'on va voir. Donc voilà, une carte, quelqu'un m'a montré sa carte tout à l'heure, qui ressemblait sérieusement à celle-là. Quoi. C'est... Eh bien oui. Alors, si. On n'est pas loin. Alors, ce n'est pas le même logo, on verra. Mais on verra l'histoire du logo d'où ça vient. Et Consul Security, c'est effectivement les premières cartes que Gary Davis a fait faire comme ça. On a un conseil de sécurité qui s'ouvre juste avant l'Assemblée générale du jour venu. Le but, élire des délégués. Merci. Pardon. Et élire des délégués à l'Assemblée constituante des peuples. Pour lire rapidement, l'enjeu, c'est effectivement, le monde est en train de se former, gouvernement mondial ou parlement mondial, le fait est qu'il faut, pour 1 million de personnes, avoir un représentant élu. Pour le but du jeu, c'est Genève, fin 1950, essayer de mettre en place, à l'instar de la République française, une constituante. Il faut une constitution mondiale, et à partir de là, on peut discuter. Et donc, il va y avoir une course de vitesse. Vous voyez, ça, c'est un logo qu'on va retrouver. Ce que Claude Bourdet, dans un éditorial de combat, il appelle le petit homme. Voilà. Peuple du monde, qui est un des, il y a 5 journaux autour des citoyens du monde. 5 journaux. Celui-là, c'est le plus connu, pour une raison bien simple. C'est que, tous les 15 jours, tous les week-ends, enfin un week-end sur deux, il est inséré dans le journal Combat, lequel n'a pas le tirage de 1944, mais Combat, c'est bon, là j'ai vérifié, 130 à 141 000 exemplaires quand même. Bon. Donc, journal citoyen du monde, journal militant, tiré à 130 à 141 000 exemplaires. C'est vous dire. Il y a la partie mondiale, je vous dis. Je vais tout à l'heure qui l'a créé, c'est quelqu'un qui a eu nom célèbre, qui répond à la patrie humaine des années 30. Mais il y a citoyen du monde au pluriel, et il y a le citoyen du monde, voilà, 5 journaux. Alors, citoyen du monde, bureau d'inscription, on s'inscrit. Bon. Les libertaires, là je vais vous le dire, ça c'est pour l'enregistrement aussi, et puis peut-être parce que c'est difficile à enregistrer. Enfin, je dis que les libertaires le soutiennent. Louis Lecoin vient de créer un nouveau journal qui s'appelle Défense de l'Homme. C'est le numéro 2, novembre 1948. Louis Lecoin, le titre de l'article, Bravo Gary Davis. Utopique peut-être, mais combien sublime et propre à susciter l'enthousiasme. Tant marqué de candeur qu'il soit, le geste du jeune Américain, arrachant à ses pharisiens leur phoné et les souffletant à la face du monde, requiert notre adhésion. L'enthousiasme n'est pas moindre dans le libertaire. Là, on est déjà au numéro 157. C'est le 26 novembre 1948. Il est beau qu'un homme se dresse au-dessus des patries et revendique, comme tous les semeurs de haine nationaliste, de mensonges patriotiques et de mort internationale, l'amour, la vérité, la vie. Il y a un enthousiasme, hein. Il y a une adhésion. Il y a aussi des nuances, des réserves. on parlait de gouvernement mondial, les libertaires, on leur parle de gouvernement, c'est pas... voilà, le libertaire, numéro 57, 26 novembre 48. Ah, on peut rejeter le gouvernement mondial, tu demandes, quoiqu'il faudrait savoir ce qu'il entend exactement par le gouvernement. Hein. Mais on est forcé d'être avec lui quand il dénonce face aux acteurs et d'homme à homme la comédie qu'il joue et la tragédie qu'il prépare. Juste trois mois après, 18 février 1949, c'est toujours le libertaire, numéro 2, 169, Peuple du Monde, on a vu la une journal Peuple du Monde, qui est que pilote Sarrazac, Peuple du Monde, outil de propagande, non pas de Gary Davis, mais de ceux qui se servent de Gary Davis. Et on voit Gary Davis, là, dans un meeting. Sarrazac, ben oui, Sarrazac, il met en scène. Et là, c'est l'abbé Pierre. Mais l'abbé Pierre qui est là aussi, même si l'abbé Pierre, il va être plutôt avec un avocat qui lui, veut une autre option que d'une assemblée constituante, veut faire élire par les députés français les gens qui représenteront les citoyens du monde et les Français à cette assemblée constituante à Genève. Bon. Et c'est une formule qui a eu aux États-Unis, qui est quand même quelque peu contesté parce que les députés ont pu leur faire voter n'importe quoi, ils ont quand même mouillé les citoyens et créé une dynamique hein, sans passer par l'Assemblée. Mais il est assez activiste à l'époque, le Henri Rouez, donc l'abbé Pierre, qu'on va trouver aussi au soutien des objecteurs. Parce que Constantin, alors l'abbé Pierre, dès 1949 soutient les objecteurs, il les soutiendra. En 63, et au combien, il est soutenant toute sa vie. Quoi. Adhésion collective sur la liste. Alors ça, c'est le trac vert, parce que Breton écrivait à l'encre verte, parce que les tracts étaient verts. Les surréalistes à Gary Davis, juste cette formule, 35 signataires, c'est daté de février 1949. Dans la mesure où nous sentons citoyens, écrivent les 35 surréalistes, il va sans dire que nous voulons être citoyens du monde, et nous demandons ici notre inscription sur le registre qui consacrera enfin un état de fait qui fut toujours pour nous un état d'esprit. Alors, c'est vrai qu'à ouvrir les frontières, on comprend que ça plaise aux libertaires, que ça plaise aux surréalistes, dépasser les états parce que l'ONU est vraiment critiquée parce que l'Assemblée d'État, un saut dans le Lot. S'échappera, mais le Lot, c'est vrai que ça, c'est une deuxième phase de l'action, au-delà de la citoyenneté mondiale, les cartes d'identité, mondialisation, Cahors, le Lot, on voit, ça ressemble au fanion du corps diplomatique, hein, territoire mondial du Lot, c'était fait pour mettre sur les voitures, on verra. Mondialisation, je l'évoquais tout à l'heure, hein, ce sont les citoyens du monde, c'est les mondialistes qui créent ce terme-là, ça n'a rien à voir avec la mondialisation d'aujourd'hui. La guerre de tous contre nous, tous, enfin bon. C'était vraiment ce que le Carmorin, qui c'est le citoyen du monde, en 48-50, il était au PC, hein, il était en train de quitter le PC, mais il devient citoyen du monde dès 52-53. Il quitte le PC. Et Carmorin a cette formule de communauté de destin. On est dans le même bateau, on le voit pour l'histoire du virus. Hein. Bon. On est dans le même bateau au-delà des frontières. Il n'y a que les hommes qui ont des difficultés à passer les frontières, pas le fric, pas les virus, pas les visiter. 6 mois de rencontres et d'échanges, faire vite, hein, c'est quand même original. Le 30 décembre 1948, conseil municipal de Cahors qui déclare suivre avec le plus vif intérêt l'action pour la paix poursuivie par Gary Davis et lui souhaite le plus vif succès. Alors là, je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais ce qui est plus original, c'est que la dynamique est telle qu'un mois après, en janvier 1949, congrès des anciens combattants à Cahors, congrès départemental, il y a toujours eu, depuis la guerre de 14, deux grandes tendances, une tendance plus progressiste, une tendance plus nationaliste, l'UNC. Bon. Et là, la réunion d'anciens combattants plus progressistes, qui, dès avant, ils font une motion, ils votent à leur réunion, à l'Assemblée Générale, dès avant de réclamer l'augmentation de leur pension, ce qu'il réclame, c'est. Il ne réclame pas, il félicite la galerie Davis, ils disent on a besoin, voilà ce qu'il faut faire. Ce qui est original. Alors, encore une fois, pour les citoyens du monde, il ne s'agit pas de renoncer à ses papiers d'identité, comme l'a fait Gary Davis. Il s'agit d'avoir cette identité-là en plus. Bon. Février 1949, dans un train. Alors, les trains, autrefois, on pouvait se parler. C'est pas comme aujourd'hui, où chacun est dans sa tablette ou son smartphone. On pouvait se rencontrer. Se rencontre Robert Sarrazac, lui-même, et Émile Benach. Émile Benach, il est instituteur à Cahors. Il s'occupe des francs, des franches camarades, qui nationalement sont plutôt blessés. Lui, il n'est pas franchement blessé, tous les deux ont fait la résistance, mais dans des formations non communistes. Il parle de la résistance, il parle de tiens, de voilà ce que vous faites, et qu'est-ce que tu fais? Ah, mais ça pourrait être intéressant, je cherche une ville pour harmoniser. Émile Benach en parle à Guy Marquis, qui est un des premiers donneurs de sang de Louis Sauvé, on va en reparler, jeune toubib venu de Paris, anesthésiste, réanimateur, au grand désespoir de son père, qui était un ponte de la chirurgie à Paris. C'est un toubib, petit toubib de province, anesthésiste, qui en même temps crée le premier centre transfusion, enfin le deuxième centre transfusion sanguin en France, après celui de Toulouse, ce qui n'est pas rien. Mais l'histoire des donneurs de sang, la presse en a parlé, la presse le met en scène en disant ok, il faut donner son sang. À tel point que le jusqu'à ce qu'il change de logo, qu'il appelle ça aujourd'hui donne du sang, c'est à côté de chez nous encore, le centre s'appelle effectivement Louis Sauvé. Donc, il y a de quoi la charte des communes et des villes du monde. C'est voté à l'unanimité. Non, pas à l'unanimité. Les députés communistes s'abstiennent. Les élus communistes s'abstiennent. Bon, corps qui se veut ville du monde, l'autre geste signifie. On passe vite. Davis et Sarrazac dans le sud-ouest. 12 meetings en 11 jours. C'est le premier meeting. C'est de l'être élu. Bon, ce qu'il y a, c'est que Gary Davis célèbre est réclamé en même temps en Belgique, fédéraliste mondial qui en a besoin. Donc, il descend à Toulouse en voiture, il prend un avion pour aller en Belgique, et il fait son meeting, il revient, et donc le meeting de Cahors va se passer bien après, le 17 juillet, alors que la tournée est au mois de juin. Mais Perpignan, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Nîmes, pas Marseille. Pourquoi le sud-ouest? Mais parce que dans l'esprit de Sarrazac, qui avait monté ça, c'était pour avoir une région, encore une fois, qui fasse 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, ça voulait dire 2 délégués à Genève à la fin de l'année. On est dans une arithmétique folle. Voilà. Le 17 juillet 1949, sur les années fin de l'an, au centre de Cahors, la presse dit 3 000 personnes, l'ERG minimise, classique, mais l'ERG qui écrivent de 1 000 à 1200 personnes, ce qui est remarquable dans une ville dont la population est réputée pour son manque d'enthousiasme. Bon. Donc c'est pas rien, quoi. Enfin, il y a du monde. Donc Gary Davis va à Nivelles, mais Chelmsford, en Bretagne, Bourdet ira d'ailleurs à Chelmsford. Skrikeborg, Mundi, au Danemark, ont lieu d'autres formes d'élections, d'élections pilotes. Mais Cahors va se vouloir aussi, Cahors Mundi, c'est du latin des cuisines, Cahors du monde. Cahors Mundi, Cahors du monde. Ça, c'est la librairie qui existait jusqu'à l'année dernière comme librairie. Aujourd'hui, il y a moins de livres à Cahors, un de moins. Mais c'était le siège des citoyens du monde à Cahors. Et là, vous voyez une carte des communes du monde qui adoptait la charte et qui se voulait donc mondialiser. Quand j'ai commencé mes recherches, c'est marrant parce que je suis tombé sur une date, depuis le 3 juillet, puis j'ai trouvé 5 dates différentes pour à quelle date exactement la mairie de Cahors vote ce texte. Mais il fallait quand même aller aux sources. Même la mairie de Cahors, qui avait fait une belle brochure en l'an 2000 là-dessus, puis il y avait 3 dates différentes selon les papes. Bon, c'est bien de faire l'histoire, ça permet de croiser des sources, quoi. Donc, par milliers, les Cadurciens, comme vont le faire d'ailleurs les habitants de Figeac, contre-signent. Alors, c'est pas un référendum, c'est informel. C'est chez la boutique du coin, le marchand de journaux, le bureau de tabac, l'épicier, où on montre la carte d'électeur, Et on signe, on approuve cette décision de faire de Cahors une ville liée au monde. La librairie française, donc, qui est le siège. Alors, Davis part en vacances. Hein, parce que, voyez, je vais vous citer là encore un article du Libertaire. Dès avant le meeting de Cahors, Gary Davis a décidé de se retirer provisoirement de la scène publique. Il a besoin de réfléchir, dit-il. Le fait est qu'il a un désaccord complet avec Sarrazac, qui l'utilise un peu comme une marionnette, et que, bon, il a envie de sortir de ça. Et donc, eh bien, il prend ses distances, et le dernier meeting qu'ils font ensemble, c'est le 17 juillet 1949, à Cahors. Ils vont plus se revoir pendant 50 ans après, et ils se reverront à Cahors, c'est ça. Et commentaire du Libertaire, ça c'est le 5 août 1949, nous n'avons jamais caché notre sympathie pour Gary Davis et le mouvement des pignons qui déclenche. La négation des frontières, la volonté d'unir les hommes par-dessus les États et gouvernements respectifs, celle de se refuser au choix entre l'Est et l'Ouest, ainsi que la pleine et entière liberté d'action accordée à tous les citoyens du monde, le refus de stéréotyper en un programme ce qui ne peut être qu'une vaste pensée humanitaire, justifie notre soutien. Alors, ouf, parce que moi, en tant que correcteur, j'aurais tendance à me faire trois phrases. C'est un peu long. Mais il y a effectivement ce qui définit, ce qui résume, le positionnement des libertaires à l'époque par rapport à Gary Davis. Pas par rapport à Sarrazac, mais par rapport à cette idée de, au-delà des frontières, on est avoir Hugo, avoir pour patrie le monde et pour nation l'humanité, français, heureux les imbéciles heureux, qui sont nés quelque part. Mais je trouve, voilà, même si la phrase est un peu longue, négation des frontières, volonté d'unir par-dessus les États, ne pas choisir entre l'Est et l'Ouest, pleine et entière liberté d'action accordée, c'est-à-dire pas de programme politique aussi, hein, mais vaste pensée humanitaire, voilà. C'est signé EA, alors c'est Eric Albert, parce que j'ai quand même peu pratiqué ces recherches-là. Gary Davis part en vacances, c'est le titre de l'article, Le Libertaire, numéro 192, 5 août 49. Là, on est devant la prison militaire du Cherche-Midi. Mai 1949, Jean-Bernard Moreau, objecteur de conscience, catholique, mais catholique social. À l'époque, l'essentiel des témoins de Jéhovah, l'essentiel des objecteurs étaient témoins de Jéhovah, en France. Et donc, alors que dans les années 30, c'était libertaire. Mais l'époque a changé. Jean-Bernard Moreau se veut citoyen du monde, aussi. Bon. Il est condamné à un an de prison. Mais il est condamné à un an de prison le jour où Alois Bauer, qui était un séminariste allemand, lors de la libération de Paris, a exécuté un homme sur ordre. Et là, il est descendu comme ça, dans une cave. On lui a dit tu tires dessus, il a tiré dessus, il a tué le gars. Comme il a agi sur ordre, il est acquitté. Ah oui, c'est. Alors que Moreau, qui lui, ne veut pas tuer et apprendre à tuer, se prend de la ferme. Moreau est rapidement libéré, il doit aller faire un chantier service civil. SCI, à l'époque c'était pas SNU, mais SCI, et il est de nouveau incarcéré. En septembre, Gary Davis va reprendre cette formule de Henri David Thoreau sur la désobéissance civile. Quand un gouvernement emprisonne quelqu'un injustement, la place de l'homme juste est aux côtés de celui qui est emprisonné. Pour résumer, Gary Davis demande à être emprisonné aux côtés de Moreau, parce qu'il a une idée. Et parce qu'il se sent responsable de ce qu'il fait. Et donc, il demande à le rejoindre à la prison. Au bout de 3 heures, on l'arrête, il revient. Quelques heures après, il est de nouveau arrêté. C'est-à-dire, le manège 4-5 fois. Jusqu'au jour où on le garde en prison. Et enfin, on le garde au commissariat, et de là, on le transfère en prison. On découvre tout à coup qu'il n'a pas de papier d'identité. Pour rester en France. Il n'y a pas de titre de séjour. Bon. Ce qui est assez cocasse, c'est parce que, pour la petite histoire, le 24 décembre, c'était 9 mois avant, le 24 décembre 1948, Gary Davis avait été reçu tout à fait officiellement par Vincent Auriol à l'Élysée. Le président de la République le reçoit à l'Élysée pour essayer d'avoir les papiers. Alors le président de la République ne lui a pas filé de papier, ni de donner une consigne pour qu'on ne l'emmerde pas. Si ce n'est que 9 mois après, comme il s'occupe d'une histoire d'objecteur, que ça n'a pas bon, c'est des clivages quand même. Là, autant les journaux comme Combat, Franc-Tireur, Le Canard Enchaîné et tout ça vont soutenir, quoi, hein. Autant, bon, moi je vois même à 40, les gens qui soutenaient Gary Davis, qui ne veulent pas soutenir les objecteurs. Quoi, hein. C'est très tranché, une mauvaise presse. L'image du lâche, du traître. Bon. Et donc, là, on l'emprisonne pendant 8 jours avant un procès, on va voir. Et comme il est il a lancé un appel, si je suis emprisonné, vous me réveillez. Et c'est là où on retrouve Henri Brosère, des pasteurs, des gens qui ont été objecteurs, Martin. Grand complice de. Qui sera un grand complice de Le Coin dans l'histoire d'objection. Martin a fait, lui, en 39-40, 40 mois de prison. Parce qu'il refusait de faire la guerre. Objectivement. Et Martin, qui, lui, va être inculpé, heureusement, il ne sera pas condamné, pour dégradation de matériel public. Il avait écrit à la craie sur la porte de la prison, libérer Moreau et tous les objecteurs. Et on l'a poursuivi. C'est cocasse. Donc, le libertaire, là aussi, le libertaire, numéro 195, on est le 16 septembre 1959, le libertaire qui, là aussi, tranché. Hein. Autant, dans les années 20, l'objection de conscience pour le libertaire est très critiquée, apparemment, mais Le Coin n'est pas favorable, par exemple, il y a de grands débats. Et autant, après la Seconde Guerre mondiale, les positions sont différentes. Donc, le libertaire qui écrit, Moreau n'est pas anarchiste, c'est un chrétien. Mais pour nous, Moreau est avant tout un homme qui refuse l'apprentissage à la boucherie, un homme comme il en fait comme nous. Le 14 octobre 1949, Davis est au tribunal pour, justement, il n'a pas de papier d'identité. Bon, on le condamne à 1 million de prison, qu'il a déjà effectué. Bon. Alors, pour la photo au tribunal, il y a un jeune homme là. Bien mis, cravate, tu vois pas, tu vois. Et le jeune homme, il s'appelle Pierre Berger. Pierre Berger, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, c'était un des copropriétaires du Monde jusqu'à quelques années, hein, son décès, grande fortune, il avait fait fortune avec Bernard Buffet, bonsoir. Et Pierre Berger, il a 18 ans, enfin là, il avait 18 ans l'année précédente, hein. C'est lui qui a créé la Patrie Mondiale, il n'y a eu que 2 numéros parce que ça a fait tout, mais journal mondialiste, Pierre Berger. 18 ans, anarchiste, il écrit dans ses mémoires, j'ai pas pu le vérifier, hein, mais dans ce livre de mémoire, il raconte que quand Sébastien Faure est mort en 1942, Sébastien Faure est mort à lui, il était de l'Indoléron, et c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Royan, merci. L'Indoléron-Royan, c'est à côté de Charente-Maritime. Et donc, la veuve de Sébastien Faure lui aurait donné l'exemplaire personnel de l'encyclopédie anarchiste. J'ai pas pu vérifier. Pierre Berger n'est pas toujours resté anarchiste. Bon, mais il restait fidèle au mondialisme, c'est-à-dire que j'ai une trace de. Gary Davis est mort en 2013. Mais dans les années 2000, Gary Davis a besoin de sous. Il finançait, quoi. Bon, il avait une fortune colossale. Mais voilà, à 18 ans, on peut évoluer, mais voilà, c'est si vous avez l'occasion, il n'y a que deux numéros de la Patrie Mondiale, mais alors, grand conflit avec Sarrazac, parce que la Patrie Mondiale était d'une inspiration nettement pacifiste. C'est l'héritage de la Patrie Humaine, quoi. La Patrie Humaine, Chalais et Marguerite, quoi. Bon, le jeudi 13 octobre 1949, meeting de l'actualité pour la libération de tous les objecteurs. C'est Le Coin qui préside. Orateur Robert Jospin, c'est le père, qui était pacifiste, citoyen du monde. Fontaine, Joyeux, Maurice. Eh oui, André Breton. Breton qui se fait huer, qui se fait interrompre. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Breton s'en prend à Gary Davis Alors là, les Allemands ne prennent mal. Alors, pourquoi Breton s'en prend à Gary Davis? Parce que l'histoire des objecteurs pour Breton, ça passe pas. Bon. C'est vrai qu'il a fait la guerre de 14, mais bon. Je crois qu'il semble que ce qui passe pas surtout, c'est que on remplaçait Gary Davis devant la prison du Cherche Midi. Je disais des protestants, beaucoup de pasteurs, enfin beaucoup de protestants, quelques catholiques, il y a l'abbé Pierre là-dedans. Et donc Breton, et ce qui est curé, il parle de diatribes, vous vous en doutez, le sabre et le goupillon, à quoi bon refuser l'un pour avoir l'autre, c'est la même chose. Bon. Et, mais si ce n'est qu'il critique en même temps la posture de Gary Davis, et là, les anards défendent Gary Davis comme icône, comme aujourd'hui, Greta Thunberg, hein, tout au bon point gardé. Bon. Et à part que lui, il risquait quelque chose, s'il se faisait expulser, et en tout cas, vous allez le voir, pour circuler d'un pays à l'autre, ça va être compliqué après pour lui. Et donc, le discours de Breton, eh bien, le libertaire le publiera, parce qu'il a été interrompu, les alarmes l'ont empêché de parler. Quoi. Davis s'éloigne. Alors là, on le voit, on est en plein mois de décembre, hein, au bord du Rhin. C'est-à-dire, depuis l'été 49, Davis et Radak se sont séparés. D'abord, en septembre, octobre, il a soutenu les objecteurs. Ensuite, il tentera d'entrer en Allemagne pour faire son projet initial, c'est-à-dire aider à reconstruire ce qu'il a construit et détruire. Et si ce n'est que, après le palais de Chaillot, puis la prison de Cherche Midi, il campe au pont de Kiel. C'est la troisième fois, pour la presse, autant, et ça vous faisait l'écho avant, autant ça fait une pièce rapportée, quoi. La troisième fois, faire la même chose pour demander, ça a du mal à passer, sa crédibilité est mise à mal. Bon, il faut dire que le côté fantasque de Gary Davis à l'époque, il avait construit une maison sans une tente, il avait construit avec des soutiens locaux, et puis des Allemands qui le soutenaient. Mais on ne laissait pas rentrer en Allemagne. Il avait construit une cabane qu'il appelait la maison du voleur. Bon, ouais, c'est particulier, quoi. Il était au centre du voleur, quoi. Il s'y croyait. Bon, fantasque, quoi. Mais au printemps 49, il rentre aux États-Unis pour épouser une jeune femme qu'il n'a jamais rencontrée. Il a juste correspondu par lettre, je sais vous dire, le côté fantasque de la chose, quand même. Et bon, il reste 8 jours sur l'île, là, qu'il connaît Island, non. Ellis Island, merci, voilà. Et bon, il rentre, déception certaine de nombre de gens pour qui se sentent un peu trahis, qui avaient cru en lui, et voilà, qui se sentent abandonnés. Le Lot, on retourne dans le Lot. 37 septembre 1959, le Conseil général vote à l'unanimité un vœu disant que les municipalités du département du Lot feraient bien de faire un tour d'abord. Voilà. Bon. Depuis quand, le grand affichage, les mondialistes font la tournée des maires, secrétaire de mairie, les réunions publiques se multiplient. Il faut dire que beaucoup de maires de l'époque sont des toubis. Ça va être le cas ici. Hein. Mais il y a, j'ai découvert ça, moi qui suis un carnet, c'était aussi, qui travaille sur le primo français, ce bouquin, c'est que le rationnement de l'essence, et celui du pain, dure jusqu'en décembre 1949. Ça veut dire que depuis la guerre, quoi, décembre 1949. Et qui a droit de l'essence? Eh bien, les toubibs. Bon, donc, il y a une organisation qui se fait avec les voitures des toubibs pour aller voir les maires, les secrétaires de mairie du département, pour les convaincre de « Allez, tu fais adopter ça par le conseil municipal, ça coûte rien, et on est dans un esprit aussi où le Cahors aujourd'hui, enfin c'est pas Cahors, c'est le Lot, frappé par la Seconde Guerre mondiale, les campagnes, les zones après, c'était terrible, zone de maquis, pour une bonne part, dans le... Donc, les villages, on appelle les villages martyrs, avec la Das Reich qui massacre, les tracés de guerre mondiale, il y a un pacifisme viscéral. Ce n'est pas un pacifisme militant, mais alors que pèse la guerre froide Est-Ouest, c'est ne pas faire partie ne pas être au milieu et se situer en dehors de ce champ politique. Donc, 130 communes du Lot qui se veulent mondialiser, 12 décembre 1949, 239 deux mois plus tard. Il y a même certains cantons qui sont à l'unanimité des communes. Moi, ça c'est un que j'ai trouvé le 4 pages, pourquoi Citoyenne du Monde, ça a été fait à Cahors-Mondi, rue derrière l'hôpital. Donc, création du comité des amis de Gary Davis, qui va devenir le comité des citoyens du monde de Cahors, quand Gary Davis prend la distance et s'échappe. Et puis le conseil de mondialisation du Lot, avec le fameux docteur Louis Sauvé. Mirouz, c'est un prof d'histoire géo au lycée, au Méta. Lui, il est socialiste, il est élu à la mairie. Marcel Delarme, lui, il est prof de philo, il est démocrate chrétien, et élu à la mairie et au lycée aussi. Paul Francel, c'est le libraire, il y a des lycéens. 7 février 1950, voyez les fanions, et voyez les voitures, donc, c'est né en 1950. Sur les bords de Seine, des mêmes fagnons, le maire de Cahors-Canuet, Louis Sauvé, qui. On est sur le parvis de. On est sur le parvis de Notre-Dame de Paris, kilomètre zéro de toutes les routes nationales à l'époque. Bon. Inauguration de la chaussée mondiale des peuples. Les maires de Cahors-Canuet, Revel, Sudre, et Koenigswinter, alors c'est pas le maire, c'est le représentant, il faut connaître. La mondialisation de leur commune. Cahors, on voit pourquoi, c'est elle se veut première ville mondialisée. Revel, mais Revel, c'est parce que c'est là qu'est né Vincent Auriol, qui est le président de la République à l'époque. Donc, Vincent Auriol est devenu mondialisé. On est allé l'informer de suite. Enfin, il y a le maire de Revel qui va lui dire, voilà ta commune. Et comme ça, maintenant tu es citoyen du monde. Dans ses mémoires, je n'ai pas trouvé trace là. J'ai trouvé trace, par contre, de la rencontre. Ah oui, les mémoires de Vincent Auriol, c'est un poème. Ben, il y a 7 ans, et donc il y a 7 volumes. Et il y a un volume que François Mitterrand avait fait pression sur l'éditeur pour pas qu'il paraisse, parce qu'il avait des montées d'alarme sur lui. Et donc, moi j'ai eu la chance, j'ai pas acheté les bouquins des mémoires de Vincent Auriol. J'ai eu besoin d'acheter juste ce dernier tome, et il y avait un cinérum avec les 8 autres tomes. C'est-à-dire, j'avais l'intégralité avec un cinérum. C'est beaucoup plus facile pour faire la recherche, ça évite tous les quand même. Bon. Et donc, maire de Revel, oui. Et Koenigswinter, en mois dernier, c'est une ville d'eau allemande, une ville de tourisme, au bord du Rhin, qui vient aussi de se mondialiser, comme Cahors. Et. Elle a cette particularité de. On va voir par rapport à la guerre froide, comment effectivement elle se situe, et les fameuses bornes, c'est ni Moscou ni Washington. Et Koenigswinter, c'est pour exorciser le drame, les ruines de la Seconde Guerre mondiale, parce que au-dessus de Koenigswinter, petite ville, il y a le Petersberg. Le Petersberg, c'est un grand hôtel de luxe dans lequel siégeaient à l'époque les militaires, la commission alliée des troupes d'occupation en Allemagne de l'Ouest. C'est-à-dire anglais, américains, français, c'est eux qui décident par exemple qu'à Gary Davis, ils ne laissent pas rentrer en Allemagne. Ils ne veulent pas qu'ils rentrent en Allemagne. Ils ont peur de manifs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manifs en Allemagne pour soutenir Gary Davis. Mais en même temps, quand fin février, la même commission alliée décide que Gary Davis peut finalement rentrer en Allemagne, ça ne l'intéresse plus, c'est là où il va rentrer aux États-Unis. Bon, c'était un poème, cet homme-là. 19 mars 1950, c'est pour ça que je dis, sous le signe de la guerre froide, c'est-à-dire un mois après, dans la mouvance communiste, le congrès des partisans de la paix, qui va donner lieu au mouvement de la paix, hein, Colombe de Picasso, il y en a 3, c'est l'appel de Stockholm pour un seul but, l'interdiction de l'arme nucléaire. Il ne faut pas oublier que, officiellement, les Russes n'ont toujours pas l'arme nucléaire. Donc, c'est une manière de marquer les Américains. Et l'appel de Stockholm, selon les historiens qui ont fait de véritables travaux au Philippe Buton ou au Olivier Lacour Grand Maison, entre 9,5 millions et 13 millions de signataires en France. On a 42 millions de Français à l'époque. Hein. C'est-à-dire, alors, il y a beaucoup de gens qui se voulaient citoyens mondialistes, qui signent aussi. Il y en a qui signent les deux. Ça n'engage à rien. Mais si ce n'est que c'est porté par Montaigne, c'est porté par Maurice Chevalier, c'est monté par Signoret, c'est bon. Enfin, il y a une dynamique, mais il y a une concurrence folle. Et notamment à Cahors, je vois les RG s'étrangler quelquefois parce qu'il y a confusion pour une partie du public entre les deux mouvements, les citoyens du monde et puis les partisans de la paix. Et c'est pour ça que, par exemple, moi je sais, la première conférence que j'ai, non pas la première, la deuxième conférence que j'ai faite à Cahors, où les gens parlaient de route de la paix. Et à l'époque, c'était la route sans frontières ou la route mondiale. Absolument pas la route de la paix, si ce n'est que ça renvoie au mouvement de la paix. Et qu'il y a une confusion des deux. Et que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est les communistes, c'est pas les citoyens du monde. Bon, c'était mieux organisé quand même. Voilà, l'homme que nous aimons le plus, c'est pas de moi, hein, c'est le titre d'un film. Voilà, le titre d'un film du PCF, la gloire du petit père des peuples. Alors, ils lui ont fêté le 70e anniversaire. L'année suivante, ils vont fêter le 60e anniversaire du fils du peuple. C'est après le petit père et le fils du peuple. Ici, Maurice. Et bon, il y a un commentaire qui est annoncé par Paul Éluard. Si vous avez 20 minutes à perdre, manque de sourire, puis quand on voit Zemmour et tout ça, on a envie de vomir, allez voir ça sur YouTube, c'est gratuit. Ça mérite vraiment, quoi. Le commentaire est annoncé. Et Paul Éluard, mais ne sait pas lire un texte qu'il a écrit. Et c'est vraiment à la gloire de. Voilà. Bon. C'est peut-être pas lui qui l'a écrit. Oui, peut-être. Bon. Peut-être qu'on a tenu la plume. Ouais. Mais c'est nu, mais c'est nu. Mais ça mérite quand même, hein, je vous assure. L'homme que nous aimons le plus. Eh bien, on est cette époque-là, en même temps. Hein. À Cahors, par exemple, sur les trois députés, il y a un député communiste. Et parce que les FTP, parce qu'il se trouve que le leader des maquis a. Dans le Lot, en fait, il était pas du tout communiste. Et il était pacifiste, il avait été munichois. Et le journal socialiste du Lot, qui s'appelait Le Travail, en septembre 1939, lors de la déclaration de guerre, réclamait encore la paix. Quand on nous dit aujourd'hui Munich, les traîtres, Munich, après, on sait aujourd'hui, c'est comme le livre, hein, on sait aujourd'hui pourquoi, comment ça a été analysé. Mais faisons pas d'anachronisme. Comment dire, il y a cette dynamique, chapeau, lui donc munichois, socialiste, on lui demande, il est prof au lycée, Madame Bétain là aussi, et il est prof au lycée, et on lui demande de signer un papier qu'on demande à tous les fonctionnaires, hein, comme quoi il n'est ni juif ni franc-maçon. Il n'est pas juif ni franc-maçon. Et s'il n'est pas, il est révoqué. Hein. La porte, et il se trouve à s'employer dans un réseau de location de bus. Ce qui est un avantage, ça permet de se déplacer. Et donc, ça devient vraiment celui qui crée le premier maquis, le premier réseau, et il va passer au FTP, donc sous l'influence communiste, parce qu'il a envie d'action, il a envie que ça bouge, et donc au dernier moment, en 44, il passe au FTP, il disparaît. Il tombe dans une embuscade allemande, on ne sait pas si ça n'a pas été un sacrifice volontaire de la part de gens pour lesquels il devenait gênant. Voilà. Mais je n'ai pas de problème. Le Lot est qu'à l'Union Presse, vous voyez, qu'a eu ça, le canard à Cahors du Monde, ça c'est une autre. Le Canard Enchaîné. Alors le Canard Enchaîné, avec son nom habituel, Canard Enchaîné qui avait dit qu'ils accueillaient Gamay Davis avec sa tante et qu'il le faisait citoyen de Juliennas. Alors le Juliennas, c'était le pinard préféré de l'équipe du Canard à l'époque. Ils m'ont ouvert leur archive, hein, j'ai apprécié, parce que c'est rare. Et ils avaient quelques documents, parce que le Pèlerinchet a soutenu de suite. Hein. Bon, de même que on a vu Esprit soutenir les journaux issus de la résistance, franc-tireur combat, Pèlerinchet, pacifiste d'origine, le monde soutenait aussi. Le Monde, alors, putain, Le Monde, c'est pas un journal pacifiste ou anti-militariste. Si ce n'est que c'était un journal qu'on appelait à l'époque neutraliste. Ni Moscou, ni Washington. Dans la guerre froide, c'était ne pas prendre parti. Et la boutade de Veuve Méry, qui était le directeur du Monde, et qui était de dire que en 14, les Américains, pour venir nous libérer, il avait fallu attendre 3 ans. En 40, Il avait fallu attendre 4 ans. Et donc, que la prochaine guerre mondiale, avec le nucléaire, ils n'auraient pas le temps d'arriver. Hein. Et qu'on serait détruit. Donc, on n'avait aucun intérêt à faire la guerre aux côtés des Américains contre les Soviétiques. Et le canard enchaîné qui écrit, je ne sais pas si vous voyez, après Cahors, Figeac, Revel, Moscou les Bains, et Washington sur Potomac, se proclame, il dit, non, voilà quoi. Bon. Mais c'est le canard enchaîné soutient, et c'est. Voilà. Ce qui n'est pas une surprise, hein, mais. Voilà, ici commence alors. Voilà. Ça, c'est une bande entre deux départements à l'époque. Donc, entre le Tarn et Garonne, le Montauban et le Lot. Ici commence. À l'intérieur de tous les départements, voilà. Journée de la mondialisation, voilà. On y arrive le 24 et 25 juin 1950. Au théâtre municipal, des journées d'études, on débat de l'expérience. C'était le but à lire non pas la presse, mais les bulletins internes, les lettres internes, les correspondances. C'est pour eux, pour les citoyens du monde, organiser, c'était vraiment le but. C'était débattre l'expérience. Avec des gens qui venaient d'Allemagne, qui venaient de Grande-Bretagne, avec des Belges, avec l'Espagne, non. D'Italie, pas encore, après. Mais c'était débattre de qu'est-ce qu'on peut faire, bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde. Donc, débat pendant 2 jours au théâtre municipal. Couleur de l'arc-en-ciel, c'est la fête, parce que la ville est boisée. Les lycéennes et lycéennes ont été mobilisées pour faire des banderoles. Les vitrines des commerçants sont déguisées. Enfin, sont animées avec le. Il y a toujours quelque chose qui rappelle le citoyen du monde, qui rappelle le fait qu'il n'y ait pas de frontières, qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Bon. Et c'est vraiment la fête. Des discours acclamés. Alors, Lloyd Boyer, mais Lloyd Boyer, ça ne vous dit peut-être rien, il est créateur de la FAO. Et c'est le prix Nobel de la paix de l'année. C'est-à-dire, il a reçu le prix Nobel en décembre 1949, 6 mois après, il est à Cahors. Donc, effectivement, c'est au ministre du Monde, même le préfet qui va de son discours, du coup. Bon, il y a Sarrazac, il n'y a pas, et contrairement à ce que je peux dire fréquemment, il n'y a pas Gary Davis, il n'y a pas. Il y avait ça aux États-Unis. Hein. Mais il y a Robert Aubin, le CGA, c'était un syndicat agricole issu de la résistance qui était progressiste. C'était pas la FNSA, quoi. C'était des hommes qui. Voilà. Et puis, comme les paysans avaient été mobilisés quelque peu par Vichy, Jean Rouget, c'était le président du conseil général, qui était en même temps directeur de l'hôpital. Voilà. La mairie. Une petite sculpture là, qui est ici sur le bord de la mairie. Vous voyez, il n'y a pas foule comme voiture à l'époque. Bon, on est en 1950. Il y a du monde. Hein. Alors, le petit homme, c'était la formule de Claude Mondet désignant Gary Davis. Alors, l'homme au centre, il y a des formules mondialistes, le monde t'appartient, les frontières. Bon. Le Figaro, okay, parce que là, voilà, ça a mobilisé la presse. André Fontaine, qui deviendra directeur du Monde, qui était très favorable, a fait plusieurs papiers là-dessus. Ça l'a déçu que Gary Davis rentre aux États-Unis, mais André Fontaine, qui suit l'affaire, qui vient à Cahors pour couvrir l'événement. Et il y a le Figaro aussi. Et le Figaro, avec le dessinateur illustre qui s'appelle Sénep. Et le Figaro. Journaliste du Figaro qui écrit que c'est un gymnaste prisonnier d'un masque de cercle de fer. Gymnaste d'un cercle de fer. Bon. Et il y a des ethnologues, pas mal, le préfet auteur en langue, enfin, qui ont publié ça dans une revue qui s'appelle Ethnologie française il y a 2 ans. Ils ont même fait une émission sur France Culture, on n'apprend rien. Et qui disent, voilà, ils ne disent pas que c'est le Figaro qui dit. Ils revendiquent cette formule, c'est. Un gymnaste prisonnier d'un cercle de fer. Pour mémoire, pour les gens incultes, vers 1490, Léonard de Vinci fait. Voilà. On appelle ça l'homme de Vitruve. Et l'homme de Vitruve, c'est vraiment le symbole de l'humanisme à la Renaissance. C'est la main, elle est tendue, elle est ouverte. Le gars, il n'est pas prisonnier, encore une fois. Il n'est pas prisonnier. Il a il est vraiment ouvert au monde. Il va pour accueillir l'autre. Bon, c'est une image de fraternité universelle, c'est pas une histoire de prisonnier. Mais des fois, on s'amuse à lire des revues très sérieuses. On est 24 juin 1950, le pont à l'entrée, c'est le lieu de pont à l'entrée, c'est Cahors, c'est emblématique. Alors, selon les sources, 5000 personnes, 8000, à la fontaine du monde, écrit dans le monde, 8000 personnes. Sarrazac, lui, écrit 13000. Et Hergé dit une foule de près de 2000 personnes. Alors, ben, comme d'habitude, hein, on va couper la part en deux, mais s'il y a 5000 personnes, c'est déjà énorme. Cahors, 14300 habitants à l'époque. Hein. Donc, réunir 13000 personnes, c'est pas possible. Le fait est qu'il y a du monde. Mais il y a du monde parce que autant il y a eu des débats au théâtre, il y en aura le lendemain, autant il y a réunion de sérieuse, autant il y a un son lumière. C'est le premier son lumière qu'il y a. Au son d'une symphonie de Beethoven, un feu d'artifice, embrasement du site, les Capucins sont enthousiastes. Voilà, au point d'entrée, la borne numéro 1 de la route mondiale, enfin la borne numéro 1, il y a une borne qui a été inaugurée la veille à Figeac, mais comme il y avait moins de journalistes, la mémoire retiendra que c'est quand même. Mais c'est, là aussi, des libertés avec l'histoire, quoi. C'est celle de Figeac qui a été inaugurée la veille. Belle photo de Jean de Zen qui signe Yann. Bon, la route est inaugurée. Alors, Sarrazac, le docteur Sauvé, en parcours jusqu'à Tour de Fort. Hein. Tour de Fort étant au pied de Saint-Cyr-la-Poterie. Une route qui, bon, voilà les fagnons. Ça, c'est bon, à Tour de Fort, symbole humaniste. Hein. Un sac de blé qui part d'un ami. Un sac de blé pour, effectivement, ceux qui manquent effectivement de nourriture. Voilà. André Breton, un discours rédigé, parce que là c'est pareil, j'ai trouvé aucune trace du fait que le discours était prononcé. Tous les bouquins sur la liste disent il a dit ça à côté du pont d'entrée le 24 juin, il n'y a eu aucun discours, ça je suis sûr. Est-ce qu'il a prononcé le lendemain? Le lendemain au théâtre, il y avait une centaine de personnes, ils étaient 30 sur scène. Non, il n'a pas pu le prononcer non plus. Surtout qu'il n'avait pas un débit facile en breton, c'était un grand orateur. Donc il a rédigé le discours, mais il n'a pas fait pas prononcé. Alors pourquoi Cahors et le Lot? Le hasard des rencontres, des amitiés liées à la résistance non communiste encore une fois, une incontestable énergie, une détermination d'un petit groupe d'hommes convaincus et convaincants. Ils mouillent vraiment leur chemise. Quoi. Il y en a qui vont être sacrément endettés parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant un an, ils ne voulaient pas travailler. Et qu'ils sont endettés parce que les festivités, le 25 juin, ça leur a coûté cher, que le conseil général leur avait promis le sou, qu'ils n'auront pas, parce que c'est Monerville qui remplace Rougier, c'est pas les mêmes tendances, et donc ils n'ont pas. Bon, soit. Des relais politiques, hein, la franc-maçonnerie, oui. Des alliances des guerres froides, oui. C'est, dans le Lot, c'est vraiment tout, sauf les communistes. Hein. C'est des alliances. L'habileté des arguments, efficacité de l'organisation due en partie à Sarrazac, des retombées touristiques escomptées aussi. Hein. J'ai trouvé l'archive municipale de Cahors des paiements de 5 insertions publicitaires dans le New York Herald Tribune. Je ne sais pas si vous vous rappelez Jane Seberg sur. dans le film de Godard, le New York Herald Tribune. C'est-à-dire que les Cahorsiens qui croyaient que. Cahors allait être tellement célèbre que ça allait attirer du monde parce que vide du monde et que ça profitait au tourisme. Voilà. Plouf, la guerre de Corée qui éclate le 25 juillet, le même jour, le lendemain de l'inauguration de la route. Voilà. Stupeur, dissension, il y en a qui font plus rien, mais c'est la. Que peur que la guerre dégénère en guerre atomique. Elle, la guerre de Corée fait plus de 2 millions de morts civiles. 35 000 Américains, je crois, qui font la guerre de Corée sous drapeau de l'ONU, quand même. Hein, bon. Alors, l'ONU était critiquée parce qu'elle n'était pas efficace. Là, elle fait la guerre. Alors, contre le communisme, parce qu'en face, il y a des conseillers militaires soviétiques, mais il y a des volontaires, entre guillemets, chinois, et il y a plus d'1 million de volontaires chinois qui passent aussi ne le fait pas. Donc c'est une guerre dure qui dure 3 ans, mais elle ne dégénère pas en conflit atomique. Et ça, c'est contrairement à ce que disaient les analystes précédents, si il y a la guerre sur atomique, c'est l'apocalypse, mais ils sont pris à mal là-dedans. Il y a aussi le fait que durcissement de la guerre froide. Hein. Il n'y a plus de place pour le New Washington, pour le neutralisme. Les députés qui se présentent sous drapeau neutraliste en 1951 n'ont aucun élu. Ni l'abbé Pierre, ni plus aucun. Bon. C'est la France qui a changé aussi. C'est-à-dire en 1953, c'est la mort de Staline, certes. C'est la fin de la guerre de Corée. Ça va être la grande froide va s'apaiser quelque peu, mais en même temps, la France a changé. C'est-à-dire que René Coty, qui, président de la République, qui succède à l'ancien royaume, René Coty, pour mémoire, avait voté les pleins pouvoirs à Pétain. Ce qui aurait été inconcevable quelques années avant. Et en 1953, c'est les derniers collabos, où vraiment il faut qu'ils aient tué père et mère, qui sortent de prison. C'est-à-dire, on a passé les poches, on a passé la page. C'est vraiment un autre monde. Et on est plus à l'époque où, au sortir de la distance, certains pensaient, dont les libertaires, dont les mondialistes, que le monde pouvait être changé, qu'il fallait le faire et que c'était possible. Il n'y a plus ce créneau-là. Alors, 9 autres départements du sud-ouest, 186 communes du Gard suivent, et aujourd'hui 252 communes lotoises qui se veulent mondialiser sur 1007 dans 18 pays. Il y en a pas mal au Japon. L'été, un homme d'homme qui passait l'été à l'auberge des mariniers, j'ai cessé de me désirer ailleurs, je vous l'ai dit, c'est ça l'auberge des mariniers, c'est ça la copie. C'est en train d'être retapé pour en faire une maison du surréalisme. Modon, Massert, et il souligne effectivement 54 sur la route sans frontières. Bon, le symbolique, pour le 100e anniversaire de l'essence de Breton, 96, à l'initiative d'Elisa Breton, des années Saint-Cyr, une borne, la première borne, donc, elle gêne, on la déplace en 2006, la borne, on la met plus haut, avec une sculpture de Vigous. Vous voyez, New Delhi, Moscou, Connick Center. Et de l'autre côté, on a Paris et Washington. C'est réellement par rapport, c'est au climat de guerre froide. Quoi. Borne d'origine au musée, parce que la plupart depuis 50 ont disparu. Bon, la mairie a acheté 7000 euros une borne à un artiste. Bon, alors que c'était un bien public, soit montré en 2014, le 50e anniversaire en 2000, oui. Alors, en 2000, il y a des romans, une brochure, c'est là où effectivement, 3 dates différentes pour. Mais, belle brochure, il y a un colloque, il y a de nouvelles bornes, il y a un nouvel embrasement du site de Saint-Cyr. Gary Davis qui rentre aux États-Unis, qui se retrouve avec Sarrazac, c'est la soupe à la grimace, c'est quand même. Voilà. 2010, des libertés avec l'histoire, là. En fait, parce que la municipalité de Cahors avait oublié d'anticiper, plutôt que de fêter les 50 ans le 24 juin, pour l'inauguration de cette route sans frontières, ils le font le 21 septembre. S'ils n'avaient pas anticipé, le 21 septembre, qui est une journée mondiale de l'ONU. Si ce n'est que l'ONU, à l'époque, était quelque peu critiquée. Donc, et ça, c'est le gars, parce que à l'époque, il y avait en 2010 alliance des socialistes avec des communistes, d'où Fontaine de la Paix, d'où, ici, c'est le moment de la paix, et une des colombes de Picasso, et encore une fois, ça n'allait rien avoir à l'époque. 2015, des champs, une exposition. Ça m'a permis de travailler beaucoup et de me lancer après pour le week-end. C'est qu'on m'a confié la charge de piloter 2 ans de stagiaires du Master Patrimoine qui faisait l'expo. Et au départ, ils étaient sur Wikipédia, ce qui est peut-être une source parmi d'autres. Il faut aller aussi ailleurs et faire un peu d'histoire. Et c'est vrai que je les ai fait travailler, du coup ça m'a fait travailler. Quoi. Ça, les bornes, j'ai donné plusieurs conférences dans ce lycée où il y a des jeunes, soit CAP, soit BTS, qui fabriquent, qui tapent des bornes et qui en fabriquent. Il y a effectivement, et je sais qu'il y en a 2 nouvelles qui attend d'être inauguré, qu'on devait inaugurer là, puis en juin, on allait à Béchever. Et donc, voilà. Alors ça, c'était en mai 2019, nouvelle borne à Cahors, nouvelle borne à Saint-Cyr-la-Copie. Pour conclure, je sais, Geneviève, tu as eu raison, j'ai dépassé le record. Eh bien oui, les digressions. Alors pour conclure, mais Louis Sauvé, Stouville qui s'est retrouvé, bon, à la tête, c'est beaucoup dire, mais a impulsé ce mouvement, qui disait, interview en 2000 dans le Semaine du Lot, aujourd'hui ces termes, mondialisation, mondialité, que nous avons créés, représentent exactement le contraire de ce que nous étions à l'époque. Notre combat était celui de la guerre à la guerre. Notre erreur était de vouloir faire vite. Pour frapper les esprits, notre travail était trop superficiel. Il a raison, c'était effectivement trop superficiel. Mais, et ça c'est le mot de la fin dans mon bouquin, parce que j'aime bien cette formule, c'est lui qui disait ça, si on ne rêve pas, on ne fait rien. Alors, 98 ans, là, ça c'est pour son anniversaire. Et bon, c'est un américain, mais c'est la même chose, One Planet, One People, Please. C'est Louis Sauvé. Louis Sauvé qui a cassé sa pipe. Mais il est né en 1917. Il est mort en 2018. Il avait 101 ans. Et j'ai réussi. Cette promenade n'avait pas de nom. Donc, c'est une belle promenade qui passe sous le pont. Et le fameux pont à l'entrée. Et bon, la mairie a accepté de me suivre sur. Ils ont été unanimes, une promenade Louis Sauvé. Puis j'ai fait sombre. Hein. Deux dates, médecins hospitaliers, parce qu'ils n'ont vraiment pas cherché à faire du fric avec la médecine, citoyens du monde, c'est tout. Mais, ouais. C'est... Bon, et donc, c'est la famille était contente, moi aussi. Mais bon. Actualité d'une utopie, voilà, c'est vraiment pour terminer. Je ne vais pas vous apprendre. Hein. Aujourd'hui, alors que les frontières se ferment devant les réfugiés, que tant de meurent dans la Manche en Méditerranée, que trop de gens s'enferment dans la peur, la haine de l'autre. Est-ce vraiment une utopie ou une nécessité que de vouloir, à l'instar de ces citoyens du monde en action, des valeurs de fraternité, de solidarité, enfin de les partager? Et je pense que on va discuter, mais on sera à peu près d'accord. Voilà, je vous remercie de votre attention. Combien ça va? Hein? Combien? J'ai fait du 1,25, non? Oh, ben non? Non? Non? Ça va? Ou le même? Oui, ça va. Plus? La question à te poser. Oui. Alors, l'association des citoyens du monde existe toujours? Oui. Moi, j'en fais toujours partie. Oui. Alors, ils ont du mal, j'ai l'impression, parce que les numéros paraissent à des périodes très espacées. Ouais. Merci. Ah, oui. Mais ils existent toujours. Oui, c'est vrai. Mais c'est, comment dire, difficulté, oui. Difficulté. Il y a eu des. Si tu veux, ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait comme historienne. Hein. C'est comprendre comment ça avait émergé, comment ça a été porté, les espoirs que ça a suscité. Bon. Là, ça fait plouf. Je sais que sur Cahors, il y a une amertume énorme, parce qu'il y a des gens qui s'étaient, non pas sacrifiés, mais les militants à plein temps, qui sont retrouvés dans la mouise des questions des problèmes familiaux, des problèmes de soins. Le Sarrazac, qui a. Michel, aujourd'hui, en 2021, ouais. Et ça serait intéressant. Et aujourd'hui, en 2021, voilà. Bon, si tu veux, il y a ma grande déception, je vais te dire en résumé. En 98, on a fait un colloque, 70e anniversaire, premier jour à l'Assemblée nationale, deuxième jour à l'UNESCO. Bon, je vais voir le colloque, bon, pas de problème, le premier jour. Deuxième jour à l'UNESCO, où présidait la séance était à la tribune, quelqu'un qui avait financé la salle et puis le staff de traduction, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. D'accord, oui. Il y avait aussi à la tribune l'ambassadeur du Mali, l'ambassadeur du Tchad. Grand pays où, tu vois, la citoyenneté. Bon, il y a même, en Arabie Saoudite, il n'y a même pas de citoyen, il n'y a que des sujets, quoi. Bon, en plus, c'était un mois après que le journaliste a été découpé en morceaux. Voilà. au consulat d'Istanbul, t'imagines. Donc on a été un certain nombre à se tirer. La personne qui a fait ça, et bon, c'est quelque peu corrélé, elle disait, mais il faut des sous pour avoir des salles. Alors qu'il suffit d'avoir des relations pour avoir des salles. Si tu as des contacts, si tu es présent socialement, elle était dans une logique où, effectivement, prendre des salles prestigieuses, l'Assemblée nationale et le Sénat, tu vois, bon, c'est vrai que ça coûte cher, mais tu peux faire des trucs dans des universités avec des petits moyens, où on te prête les locaux, tu les loues pas, tu n'as pas besoin de... Mais avec se vendre, ouais, parce que le gars qui te fait un discours sur le droit de l'homme, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, t'as mis... Bon, on est parti, on a été un certain nombre à partir, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, j'ai refusé à ce que ma contribution, qui était la plus longue de ce colloque, figure de soit publiée à côté de l'ambassadeur, tu vois, d'Arabie Saoudite. Et donc, avec un copain, qui est fédéraliste européen et fédéraliste mondial, on a repris ce qui était des textes historiques, 7-8 textes, et ça a été publié, petit éditeur, mais au moins on était sur des gens qui étaient clean, quoi. Mais voilà. Alors, entendons-nous, hein, ce ne sont pas les citoyens du monde qui deviennent partisans de l'Arabie Saoudite. C'est une erreur d'une dame, tu vois. Mais c'est dire en même temps le fait qu'elle n'a pas été débarquée. Parce que moi j'ai fait voler, quoi. Tu vois. Elle n'a pas été débarquée. Bon, et en même temps, il y a un problème, c'est ce que j'écris dans le livre, qu'il y a un problème d'être audible, tu vois, d'être compréhensible, d'être audible. Et c'est, moi je persiste à penser que, on n'a pas le droit d'aller définir principale, mais l'histoire de frontières, d'État, de communautés d'intérêts, de destin, quoi, c'était valable il y a 70 ans, ça reste valable aujourd'hui, quoi, tu vois. Que la mondialisation, là, elle est à combattre, celle des marchés, celle des grandes puissances, ça n'a rien à voir. Donc cet idéal-là, ben, il n'est plus en action, en vrai. Mm-hmm. C'est pour ça que, enfin, tu vois, dans le livre, je ne sais pas si tu l'as lu, non ? Oui, je l'ai lu, oui. Tu vois, j'ai même essayé d'en parler à des amis. Et j'ai pas voulu faire, pardon, l'éditeur disait, faites une conclusion. Et j'ai dit, non, il n'y a pas à conclure. J'ai fait un épilogue. Alors l'épilogue, c'est aussi long que le chapitre. Il fait 30 pages pour dire, voilà, que sont-ils devenus en fait. Mon histoire, elle se passe entre 1945 et 1951, 53, tu vois. Bon, 53 a fait la guerre de Corée, la mort de Staline, bon. Mais 53, et depuis lors, c'est quelques jalons. En 1966, c'est vrai que 13 prix Nobel qui se voulaient citoyens du monde et qui les prenaient, bon, donc, c'était pas rien. Que Jean Rostand, Jean Rostand, 1068, là, son rôle occupé, il va faire un meeting sur les citoyens du monde. Ouais. Rostand, qui était le président d'honneur du MECA, oui, mais mouvement contre la NATO. Mais bien sûr. Mais tu vois, mais parce que pacifiste. Moi, c'est grâce à Rostand que je commençais à militer. Mais oui. Parce que j'ai été très tard à militer, moi. J'avais 24 ou 25 ans. Et j'ai milité à ce moment-là. Et j'ai rencontré à ce moment-là les citoyens du monde. Il y a un autre terme aussi qui est employé, une confusion entre mondialisation et mondialisme. Oui, bien sûr. Alors, parce qu'aujourd'hui, tout le monde condamne la mondialisation, que c'est le marché, c'est le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le mondialisme, c'est autre chose. Mais bien sûr. Voilà. Alors, peux en dire un mot. Dans la bouche de la Le Pen, mondialiste, c'est le jour suprême. Hein. Mais le mondialiste, c'est parce que ces termes-là ont été créés en 1948-1949. Quand tu vois la version du grand Robert, le dictionnaire Robert, en 5 volumes, c'est des termes qui ont été créés par la presse militante qui se voulait mondialiste. Et donc, mondialité, mondialisation, mondialisme. Mondialiser, le verbe mondialiser, ce sont des termes qui essaient de transcrire, si tu veux, à la fois cette idée de citoyenneté mondiale, qui est celle des individus, et à la fois celle des communes. Alors, pourquoi les communes? Bref, mais Sarrazac, c'était une idée qui était cultivée. Il avait beau être militaire de carrière, c'est que... Il voulait que Cahors devienne vizille. Vizille, c'est effectivement les états généraux, c'est la 89, le 10, c'est la 88. Quoi. Si tu veux, l'appel aux états généraux, donc l'appel à la révolution, une révolution mentale, morale, et changer le monde. Et c'est, comment dire, cette idée de les communes comme lieu de sociabilité, lieu démocratique, on le voit aujourd'hui, les sondages valent ce qu'ils valent. Mais les élus qui sont le moins impopulaires dans la population, c'est ceux des petites mairies. Parce qu'en plus, alors là, ils mouillent leur chemise souvent, je ne parle pas des gros trucs, hein, mais dans les petites mairies, où effectivement, c'est eux qui servent de lien social, qui essaient de alors bon, quelquefois ils se font avoir, puis il y a des conflits d'intérêts, tout ce que tu veux, mais il y avait cette idée de, à partir des communes, c'est là où effectivement on le sauver le constate, on a voulu faire trop vite, on a voulu aller trop vite, c'est que, si tu veux, ils ont voulu passer l'étape supérieure, alors que le Cahors, tu vois, ils se retrouvent avec 239 communes du département, c'est-à-dire les plus des deux tiers des communes, il fallait faire quelque chose avec les gens, il fallait les amener, il fallait prendre l'initiative, il fallait, tu vois, alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés à côté. Ça restait une affaire de notable. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été convaincus, hein, qui ont vraiment, y compris des maires, y compris des militants, des gens convaincus, autant il y en a qui ont fait ça. C'est ce que les sociologues appelleraient les réseaux de sociabilité. C'est parce qu'il y avait tel élu au conseil départemental qu'ils disaient faites ça. Moi j'ai trouvé dans les archives un truc amusant, quoi. Mmh. Le maire de Saint-Cyr-la-Poupy à l'époque, qui écrit au préfet. Le truc de Breton, ça. Ouais, c'est là où Breton, effectivement, va se réfugier et passer tous les étés pendant 15 ans. Et Saint-Cyr-la-Poupy, le maire qui écrit, voilà, monsieur le préfet, on me souligne à la mail. Monsieur le préfet, on m'écrit, on me sollicite parce que déjà c'est touristique, c'est un copie. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accepter de voter bon, ou pas? Monsieur le préfet, qu'est-ce que je dois faire? Et le préfet à l'époque, mais comme tous les préfets de France, avec Jules Lebon, commissaire de l'Intérieur, la priorité c'est quand même l'anticommunisme, tu vois. Bon, et les mondialistes, c'est bon, on les surveille, moi je veux dire. Renseignements généraux. Sur les archives départementales du Lot, j'ai trouvé 48 notes et rapports des renseignements généraux sur l'action des citoyens du monde dans le Lot. Donc, ils sont surveillés. Mais on sait que, bon, ils ne sont pas dangereux pour les choses qui les distinguent du PC à l'époque. Hein. Est-ce que c'est une erreur pas? C'est qui? Si tu veux, pour allier l'avantage, il y a la guerre d'Indochine qui se déroule à l'époque. Et les mondialistes ne disent pas un mot de la guerre d'Indochine. Sartre le reproche. Parce que là, les grandes figures, Sartre finit par soutenir. Alors, à la Sartre du bout des lèvres. Quelqu'un qui soutient bien, mais tardivement, il est fatigué, c'est André Gide. Mmh. Ah, ouais. Ben oui, grande figure aussi. Hein, tu vois. Mais André Gide, il vient d'avoir le prix Nobel de littérature. Il ne se déplace pas. Il voulait venir, il lui dit, je ne peux pas venir au meeting, mais je suis avec vous. Bon. Et donc, il y a effectivement cette... Voilà, cette dynamique qui a plus, à partir des années 50, elle a du mal, il y a des grandes figures, on va retrouver, tu vois, et dans le pacifisme, je parlais de Robert Jospin, moi je l'ai connu, il était objecteur, le milieu pacifiste, bon, le nombre de pacifistes il y a des années 60-70, qui se voulaient citoyens du monde, qui ont leur carte. Tu vois, je ne me gâte pas. C'est le Damien Pacifiste, le journal, c'est Bernard Bessa, quelqu'un qui a fait de Filantelle, qui a fait l'article, 3 pages. Et il commence son article en disant, voilà, moi j'ai tel numéro de carte depuis 30 ans, quoi, 40 ans. Mais oui, et c'est vrai que c'était une époque, hein, où, encore une fois, où beaucoup de choses paraissaient possibles. Et aujourd'hui, on est sur le repli, pour le moins. Il y a une division aussi. Entre quand tu vois Internet, il y a 2 sites, par exemple, Rigaud. Oui. Il y en a un avec le fils de Guy Marchand. Guy Marchand, oui. Qui n'est pas le chanteur, hein. Nous, oui, je connais. Guy Marchand, j'en parle. Qui est mort d'ailleurs. Ah ben oui. Et puis j'ai bien connu René. René était son épouse. Eh ben oui. Et ils se rencontrent à ce moment-là. Et Guy Marchand qui a fait un beau témoignage sur cette époque-là. Mais il a écrit des beaux bouquins, il a écrit tous ses bouquins. Moi. Sur le mondialisme, hein. Tout à fait. Et Guy Marchand était pilote de de planeur à l'époque. Mais vraiment, il était champion. Et donc, par exemple, il fait beaucoup de meetings en Allemagne. Alors, il va faire des meetings aériens, et c'est ce qui lui permet de vivre, et puis il fait des meetings avec les citoyens du monde. Tu vois, ce qui fait que Guy Marchand, quand on a eu cette réunion à Cahors, il fait l'interprète avec les Allemands. Bon, c'est... Mais il y a effectivement... Ça correspond à toute une époque. C'est vrai que depuis les années 70, ça a du mal à redémarrer. Il y a aussi un terme de lisibilité. C'est-à-dire, je vois c'est Daniel Durand qui s'en occupe beaucoup, tu vois, depuis des décennies. Et où, en même temps, pour faire exister les citoyens du monde, il s'est lancé dans l'humanitaire sur l'Afrique. Si ce n'est que lisibilité. Faire de l'humanitaire en Afrique, ce n'est pas une spécificité de citoyens du monde. Il y a beaucoup d'autres associations qui le font. Et donc, tu vois, quel effet, quelle lisibilité, c'est dommage. Mais Geneviève me dirait, je suis trop loin de mes réponses. Ouais, moi, je voulais vous dire aussi qu'avec André Arup, que tu as peut-être connu, et sa compagne, Sylvie, on a voulu perpétuer un secteur à Marseille de l'Union pacifiste. Ben, on vient de le clôturer parce que malgré toute la mouvance que je fréquente de libertaire, les gens n'adhéraient pas. Ils n'adhèrent pas, alors on a clôturé parce qu'on a arrêté. On était quatre. Il y avait Sylvie, il y avait moi. Un gars qui nous soutenait, parce qu'à un moment donné, on a clôturé. Alors Maurice Monté continue à faire revivre. Maurice Monté, c'est lui dont j'ai trouvé. Il fait tout vivre, il fait vivre l'Union pacifiste. Ouais. Actuellement, alors, encore. Il y a un peu les copains de Limoges, le Burger. Voilà. Autrement, le pacifisme, moi j'ai même appris, j'ai demandé ici à un moment donné au CERA de recevoir le journal Union Pacifiste. Et j'ai appris par la barde que quelqu'un du CERA a dit « Oh non, c'est pas libertaire ça, l'Union Pacifiste ». Alors que c'est libertaire. Mais... Alors moi j'estime qu'être libertaire c'est être... Premièrement, moi je suis tombé, dès que j'ai commencé à militer, je suis tombé dans la mouvance libertaire non violente. Oui. Je manifestais avec des chrétiens, comme le poète Lanza del Vasto, mais ça ne me gênait pas du tout. Et c'est pour ça que je suis resté toujours libertaire, mais aussi non violent et pacifiste. Et je mourrai comme ça à 82 balais. Ces mouvements, justement, où il y a à la fois des gens qui chamboulent tout avec des gens qui étaient pour la paix, mais qui voulaient laisser les choses économiques en place. Parce que là, pour qu'il y ait tant de monde qui adhérait à ce mouvement, il y avait des maires, des gens qui étaient bien dans le système. Donc ça ne pouvait pas durer non plus. Parce qu'il y a un moment, on peut avoir... une lutte commune sur, bon oui, on est contre la bombe, on est contre ci, mais il y a un moment, on veut changer le monde, et avec ces gens-là, on ne va pas le changer. Oui. C'est ça le problème. Mais, en même temps, comment dire, l'Union Pacifiste, le journal actuellement, je ne sais pas s'ils vont pouvoir continuer. Exactement. Ils ont eu du mal, actuellement. Mais bon, parce qu'on a oublié, moi j'étais favorable à la suppression des services publics. Alors là, pour le monde. Mais ça a changé une donne, c'est que les jeunes aujourd'hui sont contre-foot. L'armée, c'est au-delà du pacifisme. Moi, je me suis souvent considéré comme plus antimilitariste que pacifiste. L'un n'empêchant pas l'autre. Hein. Mais, comment dire, l'armée est dans le paysage. Allez. Les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures, les gens, ça ne les touche pas. Le temps qu'il n'y a pas trop de morts français, ça va. Quoi. Et en plus, on nous raconte qu'on est en guerre, parce qu'il y a des militaires qui patrouillent avec des FAMAS à la gare, qui ne protègent personne, même pas en cas d'attentat, mais qui a l'illusion de la protection, si tu veux. Mais on est en guerre contre tout. Le Macron, il disait même qu'on était en guerre contre le virus, tu vois. Bon. Oui, dans le mot guerre. Mais en même temps, il y a cette... indifférence, cette acceptation, cette tolérance. C'est répandu. Forcément, parce que bon, il y a une génération qui a eu la guerre d'Algérie, donc c'était aller à la guerre et tout ça. Après nous, c'était le service militaire, il était réduit à un an, mais on ne voulait pas apprendre ces conneries et subir ça. Donc il y avait pas mal, quand il y avait des mouvements actifs de refus. Après, ils sont passés à la journée à une journée. Si tu refuses ça, tu peux pas passer le permis, tu peux pas trouver de boulot, etc. Donc ils y vont tous, c'est normal. Tu vas pas t'assoumettre, hein. Enfin, je les comprends. Oui, oui, tu vas pas t'insoumettre un jour. S'insoumettre à un an où on pourrit ta vie, bon, ça vaut le coup quand même. Enfin, de pas se pourrir la vie pendant un an. Mais c'était symbolique. C'était pas le fait que d'échapper. Moi, je sais. Moi, j'aurais pu être enfermé, j'avais l'accident. Mais j'aurais pas dit. Bon. Et parce que c'était l'opposition. J'ai été objecteur en 71 et insoumis en 72. Tu vois. C'est juste après 68. On est dans cette mauvaise-là, quoi. Bon, s'oppose. Et en 70, on croit encore qu'on peut un peu changer le monde. On pouvait s'opposer aussi par se faire réformer. Hein. C'était, parce que ça a été un peu méprisé, mais bon. C'était un moyen pour ne pas y aller. Quoi. Ah, pour ne pas y aller. Ouais. Mais tu vois, pour avoir une action antimilitariste, je le sais, quoi, les doubles. Bien sûr. Moi, mon frère a été réformé, bon, il n'avait pas les tripes. Bon. Moi, j'ai préféré mouiller ma chemise. Alors, en même temps. C'est le nombre de copains qui ont été en tôle, le tarif c'était 6 mois, 2 heures à l'époque. C'était plus même. Ouais, parce que quand il est sorti, il remettait en tôle. Mais dans les années 70, il s'arrêtait à 2 ans, tu vois. Ouais. Parce que le service du Renault. Ah oui, pendant la guerre d'Algérie, ça a été jusqu'à 9 ans. 9 ans. Bon. Mais tu vois, cette époque-là est finie, quoi. C'est ça aussi. Bien sûr, c'est ça. Mais parce qu'après, il y a quand même eu le renvoi des livres militaires. Il y a eu ce grand mouvement qui a été fait. Ça pouvait encore avoir lieu. Maintenant, ils n'y vont plus. Donc, il ne peut même plus y avoir de. Ouais. Il n'y a plus de prise sur la société pour. Ouais. La seule prise qu'il y a, c'est ce que tu disais, cette indifférence par rapport à l'armée. Ouais. Elle se voit quand tu lis leurs textes gouvernementaux, militaires et tout. Ils ont des grosses difficultés de recrutement. Ah oui. Et donc, ça veut dire que dans la société, même dans une société où il y a beaucoup de chômage, les gens n'ont même pas envie d'aller faire de l'humanitaire, comme on dit, en Afrique, en sauvant des gens. Alors, tu vois, je suis, mais quoi, ça, c'est leur discours. Donc, dans la société, c'est de fait démilitarisé. Après, je ne sais pas. Parce que tu vois, tu parlais de l'Arzac, moi, un truc que j'arrive pas. Je sais où l'Arzac aujourd'hui, tu vois qu'ils ont mis la Légion étrangère, comme stationnée en permanence sur l'Arzac. Ils ont mis sur un autre symbole, on s'est battu contre les missiles au plateau d'Albion. Ah, oui. Quand ils ont enlevé les missiles au plateau d'Albion, ils ont mis la Légion étrangère sur un plateau d'Albion. Partout, je veux dire, en plus, c'est leur dernière armée d'élite, je veux dire, c'est les mercenaires, donc je veux dire. Moi, je voudrais revenir à l'histoire des citoyens du monde. Tu dis, ça a disparu, après-guerre, quand même, il y avait un fort courant, il y avait la guerre froide, elle a commencé avant la guerre et tout. Il y avait quand même un fort courant de gens qui ne voulaient pas s'aligner, si tu veux. Et ce fort courant, il n'était pas que parmi les militants, tout ça et tout, même au sommet de l'État, les mecs, les gaullistes, tout ça et tout, ils n'étaient pas pour un alignement, même si ils étaient plus alignés sur les Américains et tout, mais dans le discours, ils n'étaient quand même pas. Tandis que là, maintenant, tout ça, ça a voulu un éclat, Quand tu vois que c'est les partis de gauche qui reviennent dans l'OTAN et tout ça et tout, c'est fini. Toutes ces histoires, je pense que dans la mémoire collective, tout ça, c'est fini. Ça n'existe plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on continue à discuter autour d'un verre.